9 mois. Ouais. Et vous, dans, et vous habitez ensemble, il habite dans ton appart, t'habites dans son appart, c'est quoi le délire? Non, non, en fait, il a son appartement, bon, moi je suis encore chez mes parents, mais je vais beaucoup de fois chez lui, et du coup, voilà, tous les soirs, avant de dormir, en fait, il a besoin de qu'on chante ça pour dormir, sinon il n'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Alors ça met de l'armée, peut-être. Ah ouais. C'est pas un patriote. Non, mais t'as le droit d'être patriote, et c'est pas que l'armée. Hein. Non, mais s'il la chante. La Marseillaise, c'est le chant de notre pays, quoi. Ouais, mais ouais, pour la chanter tous les soirs. Voilà, c'est. Peut-être qu'il aime son pays. Ah non, ouais, voilà, c'est juste un patriote, quoi. Mais tous les soirs. Après, de là à chanter. Ah, moi aussi. Non, mais pour de vrai. Acclamé sur le cœur. Genre, t'en nuisais. Et en même temps, vous êtes 1,5 million. Il y a forcément des trucs comme ça qui arrivent. Ah non, mais je te jure, c'est pas des conneries. C'est vrai, non, mais je te crois. Je te crois. J'ai du mal à croire, mais ah ouais, c'est sûr. C'est possible qu'il y ait des trucs. Après, oui, ça paraît fou, mais c'est vrai. Je raconte pas de mythos. Ouais. Et il te demande, il te dit, voilà, moi, je chante à Marseillaise, chante avec moi. Ah oui, oui, oui. Non, mais vous devez être beau dans le. J'ai pris l'habitude. Le featuring. J'ai pris l'habitude, mais. Ouais. J'aime du sandal, mais chante Joule avant de dormir. C'est la dernière fois. Je suis le chanteur. En fait, lui, il fait Joule et quand il est une meuf, il fait des Gims. Je suis le chanteur. Je vais finir ma soirée, j'ai trop bu, je vais m'asseoir, croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Ouais, ils font un truc en singe de sandal. Par contre moi dès le réveil, c'est mon réveil Joule. Ah c'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Celui-là? Ouais. Ah, celui-là, ouais, jure, d'accord, ok. Ouais. Ah sympa. Ah c'est ton réveil. D'accord, ok. Tu reconnais un petit peu comme ça. Moi j'aimerais pas mettre une musique en réveil, après quand je l'entends, j'ai l'impression de. Ah bah oui, c'est mauvais le réveil. Pour moi ça me nique une musique. Le réveil me nique la musique. C'est vrai. Quand j'entends d'ailleurs un réveil, de temps en temps j'y aime disant mais son alarme et ça me. C'est désagréable. Non, un son, j'ai du mal à l'entendre. Ça fait plaisir de vous entendre. Bisous de Berthaud, bonsoir à toi. Salut. Je sais plus quoi faire, je suis en dépression de rater votre émission. Ah bah alors attends, laisse tout ton numéro, je t'ai dit, on va t'appeler. Je te kiffe, tu m'as fait retrouver tout rire. Ah bah c'est gentil, j'étais à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Hey, gros bisous à toi, frère, bon courage hein, maintenant. JM, raconte pas ta vanne, s'il te plaît, pour le bien de tout le monde. Ouais. Ah. Cédric de 53. Salut. Alors, on va parler des habitudes de vos mecs et de vos meufs au lit là, pour s'endormir. Alors comme Julie, hein, du coup, là, qui est son mec, elle veut chanter. Non mais c'est vrai ça. Mais il fait quoi dans la vie ton mec? Julie, étudiant, il travaille encore en ce moment? Il travaille. Ah oui. Ouais. Il travaille dans un corps de l'armée, dans un corps de l'État, c'est possible hein. Il est musicien. Non, il travaille dans un camping. D'accord, ok. Fait qu'il chante ça au camping. Mais c'est genre en mode van ou il est vraiment sérieux quand il chante avec la main sur le cœur et tout? Il a le drapeau? Bah non, en fait ça dépend, mais quand il fait ça, tu vois, c'est pas dans le lit, c'est quand juste avant de dormir, quand il va se laver les dents. Il se met debout à côté du lit, ouais. En plus. Faut être debout. Au gardage. Mais tous les jours, quoi, depuis 9 mois. Ouais, vraiment, tous les jours. Ouais, bah après, je comprends. Le mec, je comprends pas de chanter dans la chambre en vrai, mais je suis pour les patriotes. Heureusement qu'on aime notre pays un peu. Mais tous les soirs. Attends, aux États-Unis, c'est la classe d'aimer son pays. En Espagne, c'est la classe. Au Portugal, c'est la classe. Et qu'en France. En France, c'est pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Et ça va un peu mieux quand même. Ah non, mais. Avec l'équipe de France. Ah oui, non, mais on s'en bat les couilles, l'équipe de France. Non, mais ça aide, d'accord. Je suis pas bon, du sport. Ah, mais si ça aide, justement. Mon pays, c'est mon pays, quoi. Moi, je l'aime, mon pays. Non, mais c'est vrai. Les Américains, ils sont plus patriotes. Ah bah oui, merci. C'est bien de répéter ce que je dis. Je confirme. Bah merci de confirmer. Avec plaisir. J'ai mis du temps d'arquer là pour confirmer, c'est hyper important. Tous les jours, je pense à m'en aller. Tout en tout, je l'en mets là, là. Je dis la vérité, je n'ai jamais menti. Je n'ai plus vrai que l'effet d'hiver du France antique. Non mais est-ce qu'il se met genre à chanter Marseillaise avant de ken pour se donner un peu de courage? Genre la France te ken quoi. Non. Ouais. Julien, tu t'es déjà fait, Julien Stagiaire, tu t'es déjà fait ken pour chanter Marseillaise? Non, j'ai dans les fesses. Je respecte l'hymne. Julia, alors toi t'es en couple avec une fille en ce moment, mais ça t'arrête d'être avec des mecs aussi. Est-ce que tu pourrais coucher avec un mec qui chante la Marseillaise avant de te ken? Bah pourquoi pas, c'est original, sympa. Moi c'est en vrai, c'est rigolo. Genre, ce serait ridicule au bout de quelques jours, mais. Même le premier, c'est ridicule, le premier jour. Franchement, ça coupe tout. Mais moi, je sors avec une meuf qui me dit excuse-moi, faut que je me lève et mets la main sur sa bonne et fais mais si, c'est l'original. Non, non, mais c'est une original. Ah, bah si, moi je suis direct. Moi j'adore, en plus, j'adore sortir avec des artistes et des meufs un peu timbrées et tout, mais. Non, mais y a pas de problème. J'en ai connu des folles et tout. Excuse-moi, chanter, ça n'a aucun sens. Chanter la Marseillaise avant de se coucher, autant la chanter au stade, la chanter devant une mairie, la chanter quand il y a un enterrement, non mais je veux dire vraiment militaire ou la chanter pour rendre hommage à quelque chose, un chant guerrier et tout, mais avant de dormir, ça n'a aucun sens. Au cas où, sous la douche. Et encore. Au cas où sous la douche. Ouais. C'est vrai, froide. Et encore. Mais ouais. Pourquoi sous la douche? Bah, je sais pas. Ah, merci, j'ai plus lourd. Le mec, il fait que des phrases, mais il sait pas. Il sait pas pourquoi il parle. Il sait pas pourquoi il est là, d'ailleurs. On sait pas toujours dans la rue. Parce qu'on échange sous la douche, c'est pour ça, tu vois. Oh là là. Non, mais c'est vachement bien, merci. Avec plaisir, Guillaume. Non, mais attends. Est-ce que vous avez déjà eu pareil avant? Tu vas nous sortir ta blague, Guillaume, du standard. Tous les soirs à 22h09, il a une blague. On va voir si elle est bonne ou pas tout à l'heure, dans deux minutes. Et il y a Julie qui est là, donc pour parler des habitudes de vos mecs et de vos meufs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour vous endormir, une habitude pour faire dodo plus facilement? Est-ce que vous avez déjà eu pareil une habitude? Est-ce que t'es déjà tombé sur une fille un peu folle comme ça? Ouais. Ou un mec un peu fou? Non, c'est une folle du coup. Non, mais un pote qui fait un truc hyper chelou aussi, ou un truc pour s'endormir, quoi. Voilà. Moi, c'était une meuf, en fait, elle voulait un massage à chaque fois. Elle se mettait en position sur le dos et je devais la masser. Genre, je suis un kiné, un masseur, tu vois. Elle s'est crue en mode. Non, mais c'est agréable, ça. Ouais, mais moi, j'aime pas masser de base. Ah, c'est vrai? Donc, elle est un T'es pas généreux, toi. Bah, si, quand même, mais masser, je suis pas un masseur. Non, mais faut le dire, non. Franchement, pas généreux. Non, t'as plein de qualités. Oui, bah, si tu veux, je suis pas généreux. Mais on les a pas encore vus, déjà. Non, mais ça va. Non, mais rester sur le dos une demi-heure pour la pétrir, là, le dos, ça pour la pétrir, mais le mec, tu l'as pris pour une boule. Tu l'as pris pour une boule de bain. Non, mais j'aime pas. La meuf normale, elle dit rien, elle sait que faut s'armasser tous les soirs. Ouais. Tu sortais avec qui pour avoir l'impression de pétrir de la pâte? Non, mais une meuf, non, mais elle avait un dos normal, mais tu pétris, un massage, c'est de la peau, tu vois. Après, moi, en vrai, je suis pas non plus fan, c'est chiant, tu te fais chier. Ah, en plus, non, mais après, moi, je fais ça quand j'aime la meuf pour lui faire du bien. Ouais, mais tous les soirs. Après, je peux prendre du plaisir quand même. Non, mais c'est pas vrai. Bah, attendez, vous savez quoi? Il y a 30 secondes de pub, il nous a rendu un peu tard, quoi, là. On envoie 30 secondes, on se retrouve juste après. Guillaume et votre message au 6-11-12. Comme Julie, les habitudes de vos mecs ou vos meufs avant de dormir. Au lit. On en parle juste après sur Énergie. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non. Pour nous. Avec les casques QC35 de Bose, rien ne s'interpose entre vous et votre musique. Les Energy Music Awards 2016. Le 12 novembre, en direct de Cannes sur TF1 et Energy. Hit music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Énergie 12. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Warcraft, le commencement, en Blu-ray, avec Énergie. Que venez-vous faire? Sauver notre peuple. Écoutez Koé de 19h à 22h, sur Énergie, et gagnez des consoles PS4. Pour les orques, mon ami, c'est la guerre. Warcraft, le commencement, le 11 octobre, en Blu-ray, avec Énergie. It's music only. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter V et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games, play again. Jouez encore. Jeu jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. En partenariat avec Alcatel et sa gamme Idol 4, livré avec un casque de réalité virtuelle offert. Slimane. Son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Energy. c'est vrai qu'on se connaît. Je la suis voir ce qu'elle veut me montrer. Elle veut partir et m'emmener me fêter. C'est nouveau, j'ai pas envie d'essayer. Elle a l'habitude et dit que c'est bien. C'est vrai que je ne suis pas curieux. Elle me dit de sortir avant d'être vieux. Non, non. Elle veut m'inciter mais j'aime pas danser. Je ne suis pas du genre à faire semblant. Le temps passe et je ne veux pas bouger. On meurt un jour et moi j'attends en m'occupant. Grâce à la télé, grâce à la HD, j'ai découvert un truc que j'ai pas acheté. Je la suis comme si j'étais son ombre. Mon téléphone n'a plus de réseau. On se perd et peut-être qu'on a raison. Ah, je ne vois plus la maison. Attends là, je ne vois plus la maison. Je ne perds pas l'heure, je promets. Je commence à y prendre goût, oh ouais. On ne voit personne, on est partout. Sous la terre, sous le soleil. À part ça, je ne sais pas pourquoi elle emmène un mec comme moi. Mais ça me plaît quand elle me fait voyager. De la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez à l'antenne, de retour. Putain, il est mal branlé ce jingle, le numéro 13. Ouais. Et supprime-le moi. Numéro 13 déjà. Non mais supprime-le moi. Ouais. On l'enlève de la machine. Allez. Attends. Porte-malheur. Non mais déjà, il devrait même pas y avoir un jingle numéro 13. On aurait dû en avoir un 12, un 14, comme ouais. Dans les chambres d'hôtel. Ouais. Voilà. Et dans l'avion aussi. Ouais. Bon, bonne nuit tout le monde, les mecs. On se fera Soprano, il sera avec nous jeudi d'ailleurs. Dans on se fera Richard Orlinski avec Eva Simon. C'est qui c'est J'aime le sonar Richard Orlinski. Non. Non, j'ai stagiaire. C'est un DJ. C'est un DJ. Ouais, non, c'est pas un DJ. C'est un mec de la musique. Julia, tu sais. Et là, que je lui pose la question. Regarde ça. Flo, les cadeaux. Non, je sais pas. Non, Julia. C'est un sculpteur. C'est un sculpteur qui est hyper connu. C'est celui qui fait genre des tigres avec des facettes et tout là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait genre, il est richissime. Bah, il s'est dit, tiens, je vais produire de la musique. Ah, un petit kiff. Et When there's a heartbeat sound. Le morceau passe. On sera Ken Jones après tout à l'heure. Ça va être Don't Mind. Bonne nuit les mecs. Hein. Guillaume et votre texto aussi. 112 dédicace à la 5ème B. Bonsoir à toi, la 5ème B du collège Georges Emmanuel. Bonsoir à toi. Dédicace à Karine Play, à Tonio du 33. Lis mon message, s'il te plaît, poteau. Y'a pas de problème. Hein. Salut à toi. Il y aura moyen d'écouter du PNL. Je suis Calife. Salut, sinon t'es le meilleur. Je t'écoute depuis 3 ans. Bonsoir, Mathéo. Merci, Mathéo. Salut, mec. On a l'album de PNL ou pas, j'ai besoin. Ouais. Parce que moi, je l'ai dans mon portable, mais on l'a pas dans la machine là. Pourquoi on l'a pas là? On peut le remettre. Ouais. On va les inviter. Faudrait quand même qu'on ait l'album. Dans la machine quoi, je l'ai là, j'ai Mira. Okay. J'ai sur mon Mira, c'est mon portable. Hein. Attends. Chez toi on est peut-être personne. Chez nous c'est nous les plus forts. Connais que le noir, que la lumière existe. Connais. Prends-nous le mec. mettre, James Sandin. Pas de soucis, Guillaume. C'est bien pour la nuit, ça en mettra là. C'est un peu pour doux, planer là. Un peu. Bonjour au policier du 91. Salut, du 91. Salut, man. Salut. Eh ben, dédicace à vous. Ah merde, j'ai pas coupé. En fait, merde, comment on fait? Attends. Un peu. Ah putain, et avec la mise à jour de cet iPhone de merde là. Ah, je l'ai pas fait. Des mises à jour de merde. Il paraît. Ils nous prennent vraiment pour des cons. iOS 10 là. Oh là là. Et ça marche plus, tu cliques, ça s'arrête plus. Ah ouais. Ça met même plus la photo et tout. Ah non merde. Mais attends. Tu prennes le seul. Horrible, horrible. Enfin bref. Guillaume et votre dédicace au 612. Tu vois, j'ai. Ils sont de la gueule. Ils font des cadeaux, ils détestent Apple alors. Ils sont de la gueule. Bonsoir. Et la blague de JM du standard. Ah. Alors, t'es prêt ou pas? Ouais, JM du standard. Prêt, Guillaume. Voilà. Guillaume, et on va écouter la blague de JM du standard. Ensuite, on prend toutes vos réactions à part Julie, qui était là, les habitudes de vos mecs et de vos meufs. Avant de s'endormir, elle chante, enfin, il chante la Marseillaise, elle est obligée de le faire. Oh là là. Avant de se coucher. Après, il y a ça dans les casernes militaires et tout le matin. Ouais. Il faut la mais avant de se coucher, c'est la première fois que j'entends ça, moi, ma Julie. Hein. Il est normal physiquement, ton mec, il a un problème. Il a d'autres problèmes, il y a d'autres trucs chelous, genre il se met une poule sur la tête. Non, mais genre, il y a un autre danse comme ça, il y a un autre non, truc. Non, il ressemble pas à Julien Stagiaire. Non, mais après, non, moi, il peut ressembler à Julien Stagiaire, tout à fait normal. Hein. Le problème, c'est pas le physique avec Julien Stagiaire. Je suis normal, attends. C'est lui le problème. Ça, c'est méchant, ça, c'est pas bien. Voilà. Rebondir. J'aime l'histoire dans une période bide. Mais non, il était pas très gênant, c'est rigolé. Non, t'es beaucoup plus gênant. Mais en fait, j'ai rigolé par politesse et après, je me suis dit, non, ça s'entend. Tu sais, il y a le côté. Mais c'est pas. J'aime ça, quand il tombe, il remonte sur le volet. Exactement, en direct. Et parfois, il peut retomber. Voilà. Je viens de me faire plaquer, mais vous me redonnez le sourire. Ah, chérie, gros bisous. Bon courage. Content de vous entendre après une journée pourrie au boulot. T'as vu, samedi, danse avec les stars recommence. Salut Sylvie du 38. Ah oui. Ah bon, on va suivre. Hein, j'ai hâte de voir Damido. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est un peu la seule que j'ai déjà croisée plusieurs fois qui est très gentille. Elle est rigolote. Et que je connais un petit peu. Après les autres, je ne connais pas. Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, elle a l'air très sympa aussi, mais je ne connais pas. Ouais. Bah non, après elle est jolie. Il y a qui Caroline Receveur qui est quand même affreusement. Jolie. Il paraît qu'elle n'est pas très sympathique. Ah ouais, ouais. Ah bon. On m'a dit qu'elle était un peu froide. Ah, je sais pas. Mais elle a l'air un peu froide. Elle fait un peu jolie. Un peu meuf, distante. Il sait qu'elle est jolie. Quoi. Elle le sait. Princesse, non, quoi. Mais elle est très belle. Je la trouve magnifique. Ouais. Mais j'espère qu'elle est pas comme ça. On la verra danser, c'est bien. J'espère que c'est que des ondes. Et c'est pas la vérité. Bon, en tout cas, Julie, toi, ça fait 9 mois que t'es avec elle. Avec lui, t'es amoureuse quand même ou t'es. Ah oui. Ouais, je resterai pas avec. Mais t'as alors genre l'impression, tu te dis, tiens, ça va être l'homme de ma vie ou tu te dis quand même, bon, c'est une histoire qui a duré 2 ans, puis après, je m'amuserai et puis après, je me marierai à 30 ans. Ouais. Non, c'est l'homme de ma vie. Ah, c'est vrai, ah ouais. Ah. Donc, on chante tous les soirs alors là. Putain, heureusement qu'il chante pas une autre chanson. Vous êtes déjà sorti avec des gens chelous qui avaient des trucs un peu bizarres. Petite pause dans l'émission, mais JM du standard, est-ce que t'es déjà tombé sur une fille qui était un peu chelou à un point voilà. Ouais, moi en fait, elle fumait juste avant de se coucher. C'était horrible. Fumait quoi? Une clope. D'accord. Et en plus, ça pue, parce qu'après, la laine, elle est dégueulasse. Comme les fumeurs. Voilà. Ah ouais. Et juste avant de te coucher, c'est pas hyper cool, intéressant. Vous remarquez, JM du standard, il y a toujours l'anecdote. Ouais, c'est vrai. Il ne sert à rien. Une fois, je sortais avec une Guillaume, elle le fumait. Juste avant de se coucher. Il y a des millions de français qui le font. Tu te rends compte de Guillaume? Sortez avec une végétale et moi j'ai pas de tofka. C'est le mec qui te sort une anecdote. Rien de ouf. Sortez avec une insomniaque et ça n'en met pas vite. C'est dingue. Moi je fume pas donc ça me dérangeait. Non mais si je comprends, en plus c'est pour rire. L'odeur de la cigarette, c'est dégueulasse. Enfin c'est chiant quand tu fumes pas. Moi je fume pas, ça reste. Mais pas dans le lit, tu fumes dans le lit. Julien Stagiaire, est-ce que t'es déjà sorti avec une fille qui avait des couilles? J'ai sorti avec une fille qui avait une habitude bizarre. Bah en fait on n'est pas resté longtemps ensemble, mais elle m'a jamais appelé en fait. Que des SMS. Elle m'a jamais appelé par mon téléphone en fait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle avait peut-être pas envie de rester avec toi. Bah oui, on est resté quoi, un mois à peu près ensemble, mais que des SMS. C'est d'accord. Que moi qui l'appelais. Moi, ça me saoule les SMS d'écrire, je passe ma vie à écrire. Pourquoi elle t'appelait pas? Bah, je sais pas. Elle avait un complexe avec l'appel en fait. Un complexe? Je sais pas. Ouais. Soit je le trouvais con. Alors, elle... Si toi, tu sors aussi avec une fille encore plus bizarre. Non, mais elle m'a jamais appelé. En un mois, c'est bizarre. Ta meuf, elle t'appelle pas. Non, c'est normal. Ouais. Franchement. C'est pas normal. C'est pas Ah oui, il y a un truc chelou, mais bon. Julia, t'es déjà sortie avec quelqu'un de bizarre? Bah, moi, ma meuf actuelle, en fait, elle m'oblige à chaque fois que je veux dormir, donc le soir, à me doucher. Chanter la Marseillaise. Tous les soirs. Alors que moi, à me doucher, je me douche le matin, ça me saoule quand je rentre du travail, j'ai envie de me mettre dans mon lit tranquille. Ouais, non, il faut que je prenne ma douche. Non, ça me saoule. Ah, voilà. Pas, et hyper maniaque de l'hygiène et tout. Ah ouais. Ouais. C'est qu'il y a un souci. Mais genre, vous faites même pas l'amour. Parce que moi, ça m'arrive quand j'ai une meuf me doucher avant de faire l'amour. Parce que je sais que je vais faire l'amour. Ouais. Voilà. Ah, tu te douches avant? Bah oui. Hein, bah, jamais, moi, je me douche avant. Ah, si, si, bah, pour les, tu sais quoi, tu fous dans la bouche et bah, tout. C'est normal. Ah, non, moi, je me douche jamais. Ah, non. T'imagines ah, non. L'odeur. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, excusez-moi, là. On parle un petit peu cru, je me suis emballé. J'ai dévié. Messieurs, dames, du sais, je m'excuse. Je m'aplatis. Une pauvre merde. Non, j'ai Flo des cadeaux. Déjà tombé avec une fille qui avait des habitudes un peu chelou, un peu bizarre. Ouais, je suis sorti avec une meuf en fait qui pouvait pas s'endormir sans se sentir les pieds en fait. Tous les soirs avant de se coucher, elle était obligée de se sentir les pieds. Ouais, ouais. Comment elle fait? Donc elle s'asseyait, elle prenait son pied, elle le sentait et elle se couchait. C'est vrai? C'est ouais. C'était quoi son odeur? Elle aime bien son odeur de pied. Elle a jamais su m'expliquer pourquoi. Elle m'a dit bah je fais ça depuis toute petite et c'est un réflexe que j'ai. C'est comme un chien en fait. Comme un doudou. On sera Bruno Mars, la 24K Magic tout à l'heure. Défonce le nouveau Bruno Mars. Gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. Le meilleur est arrivé pour toi. Il y a un son, il y a deux morceaux qui sont bien longue vie au roi. Écoute, G Dena, je vais aller voir l'anglais de Chiffre. Salut, je rentre du tas, je les écoute trop fort. Dédicace à Loïc et Didier Delpech. Bonsoir les mecs. Guillaume et votre petite dédicace là. Guillaume et votre message par SMS. Il faut commencer le texto par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Il va arriver sur un écran d'ordinateur. Et vous me l'envoyez au 6 11 12 et moi je peux le lire comme ça à l'antenne. On fait de la radio ensemble les mecs. Vous êtes dans le lit, sous la couette à la cool, où vous êtes avec nous là. On fera le top 10 des pires exécutions dans le monde. Oula. Le top 10 des manières d'exécuter dans les pays dans le monde. C'est horrible. Je ne pensais pas que ça existait encore. Et franchement, j'ai limite même pas envie de le faire. Je trouve ça trop violent. On va faire des cauchemars. On le fera en fin d'émission parce que c'est trop violent. Et après, on fera aussi 10 histoires de meurtre. Enfin, ce soir, on est dans le crime. On a des courants d'une histoire. Top 10 des crimes, du coup, en couple et de meurtre. Il faudra savoir lesquels sont vrais, lesquels sont inventés. On le fera tout à l'heure. Salut la team. Aujourd'hui, grosse journée. J'ai transporté Ophélie Meunier. Je rêvais de ce jour. Il est arrivé. J'adore mon taf. Ah ouais, elle est jolie. Salut René le taxi. Salut. Ah, très belle. Ah, très bien. Je te kiffe, mais tu me fais rentrer le sourire. Bonsoir. Depuis, ah bah, c'est gentil, les mecs. Je t'adore, salut Miyagi, bonsoir Miyagi, je veux pas te perdre. Alors, petit message qui arrive, hein, si vous avez un message d'amour, vous êtes en galère en couple, si vous arrivez à un truc, vous voulez passer un message codé, vous dealez du shit, vous voulez faire passer un message au go fast, sans qu'on l'entende, vous prenez un mot de passe, vous l'envoyez. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est bien ce que. Voilà. Et vu que vous êtes un million, ils vont l'entendre le go fast, il y aura aussi la police qui va l'entendre. Bah, si on peut aider. Ça fera une jolie vidéo. C'est quand qu'on peut gagner les consoles? Et salut mon Jordan du 9-3. Alors, c'est Jordan par SMS là. On fait juste après. PS4, Xbox One et tablette Samsung Galaxy Tab E. Ok. On vous file tout ça dans deux minutes. Julie, les habitudes de vos mecs. Et d'abord, la blague de JM du standard. Ah oui. Normalement, elle est à 22h09 et vous votez si elle est bonne ou pas. Vous nous dites une petite note sur 20, là. Guillaume et votre note sur 20 au 612. T'es prêt, JM du standard? Ouais, je suis prêt, Guillaume. Ouais. Elle est bien la blague? Ouais, ou pas? Elle est bien. Non, mais allez, parce que là, franchement, t'enchaînes bite sur bide. Ah ouais, mais je les ai toutes faites. J'ai fait 55 pages sur un site. Je l'ai pris dans ma future émission de télé. J'aimerais bien que ça soit bien. Bah oui, moi aussi. Donc, faut que les blagues soient bonnes. Mais je te promets. Il y en a plus, tout fait. C'est vrai. Je te jure, je. Alors le mec. Blasé. Ah, non, plus, je vais directement. Et bah, avant-le, fais comme Cavalam. Si ah bah ouais, bah, écris-les. Allez, vas-y, JM du standard, c'est parti. 3, 2, 1, on t'écoute. Donc, c'est un gars qui a les deux bras cassés qui rentre dans un bar et il s'assoit face du. On va. Oh, c'est la poire. Je suis le chasseur de la poire. Ça va être ça. Seul, je vais finir ma faille. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Ah là là, c'est bon ça. JM, tu vas en faire une bonne. Ah bah ouais. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, Guillaume. Il a trop de pression. Attends, hein, tu peux pas nous faire des trucs comme ça quand même. Non, mais en ce moment là, il se relâche. Hein. Ah non. Attends, bon, t'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Alors attends, concentre-toi deux secondes. Allez. Nouvelle blague de JM du standard. Top, c'est parti, sans bug. Ouais, c'est un gars qui a les deux bras cassés, il rentre dans un bar, il s'assoit à faire. Non, il s'assoit. Non, mais là, il transpire. Télé, il va et se décomposer. Mais non, on va y arriver. Allez, JM du standard, 3, 2, 1, top. Donc, c'est un gars qui a deux bras cassés, il rentre dans un bar, tu vois. Il s'assoit. Après, tu dis, tu vois, arrête de dire, tu vois. Pour faire vivre, c'est une blague, quoi, tu vois. J'essaie de la faire. Ah, bah, tu vois, il a redit. Mais c'est vrai, tu vois, tu lis trop. Mais tu peux le faire sans, attends. Mais oui. Attends, toi tu marques, le tu coaching. Vois ou pas, non? Non, non, tu marques pas en plus. Alors, c'est l'histoire d'un gars, il a deux bras cassés. Il rentre dans un bar, allez, il s'assoit en face du barman. Alors, vu que tu veux pas te servir de ses bras, le mec demande au barman s'il peut l'aider à boire sa bière. Voilà. Donc le barman, il fait boire le mec. 5 minutes après, enfin t'es obligé de mettre des, tu vois. Ouais, mais je sais pas, c'est. Et c'est un tic. Alors, c'est un petit plus. Ah ouais. Quoi. Alors tu peux l'enlever ton tic, vas-y. Allez, je l'avoue. On recommence. Allez. Attention, sans bug ouais. et sans tu vois. Ouais. Sans bug et sans tu vois. Et on là, on sinon, on recommence. Ça y est, il suit j'ai besoin. Et il transpire. Pas comme ça, je te jure. Magnifique. Appelle le SAMU au cas où. T'as quand même pas la pression là, on en. Mais non, on est entre nous, tout va bien. Pourquoi tu transpires? Je sais pas. Parce que j'aime pas bug. Allez, vas-y, on t'écoute. Ouais. Top. Donc c'est un gars qui a les deux bras cassés. Il rentre dans un bar, il s'assoit en face du barman. Et vu qu'il peut pas servir de ses bras, le mec il demande au barman s'il peut l'aider à boire sa bière. Donc le barman il fait boire le mec et tout. 5 minutes après. Et tout, ah, c'est un F, ça. Tu vois, okay, et tout. D'accord. Et tout, et tu vois. Okay. 5 minutes après, le mec qui a les bras cassés demande au barman s'il peut récupérer le mouchoir qu'il a dans la poche pour essuyer la mousse qu'il a autour des lèvres. Et le barman il le fait. 10 minutes après, le mec au bras cassé il dit au serveur: excusez-moi, dans ma poche gauche il y a l'argent pour la bière, donc est-ce que vous pouvez prendre l'argent? Donc le barman il prend l'argent. Avant de partir, le mec au bras cassé il demande: excusez-moi, vous avez été très gentil, une dernière chose, où sont les toilettes? Et le barman il regarde, il fait: les toilettes, c'est dans le bar d'en face. Elle a rigolé. Pas pour la bonne raison, je cherche un rire. Ah bah oui, obligé. Non, c'est mignon, c'est mignon. Merci. Non, ça, non, franchement, ça aurait pu être pire. Je veux dire, merci, ça aurait, non, j'ai vu pire et ça aurait pu être pire. On va dire que c'est bas de tableau, mais c'est pas le pire. Ah, merci. Bon, c'était quand même laborieux. Quoi. Ah, bah ouais. J'aime bien les et tout, les tu vois, faut les enlever. Ouais. Je vais te mettre un collier électrique et tu vas prendre une décharge. Et toi, mais tu verras que tu vas devenir meilleur. Ouais, mais attends, sais, tu ouais. vas être éduqué. Mais il transpire, mais on dirait que t'as fait un marathon. Ouais, non, ça va encore. Ah, non. J'ai le front luisant. Non, tu brilles pas. Je brille, ouais. Ah, ouais. Tu transpires pas. Les tout droit aussi. T'es trop sérieux. Non. Attends, si tu transpires, ça commence à se voir. Ça goûte, mec, tu souches. Non, mais je vais pas toucher ton t-shirt. Faut les poncer. Franchement, Flo, des cadeaux. Si, moi, je te vois de loin. Mais tu vois pas, il y a une entre toi et moi. Mais regarde, regarde, il transpire de ouf. Ah, mais là, j'aime pas, ça y est, c'est pour ça. Ah, je le dis. Non, mais assume un peu. Ah, mais j'assume de ouf. J'assume de ouf, il y a deux secondes. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. Sarah du Collège Saint-Jean qui écoute la radio, je t'aime. Gros bisous, Sarah, au Collège Saint-Jean. Si vous voulez faire une dédicace au collège et aux collégiens, à tous ceux qui écoutent l'émission, si vous êtes au Bahut, si vous êtes au lycée, allez-y. Hein. Chanter la Marseillaise tous les soirs, c'est un peu fou, mais bon, d'un autre côté, moi je peux pas me coucher le soir sans avoir sucé un sexe d'homme si les gestes d'agir. C'est de la merde, c'est le message, arrête. Vous me réconfortez après de retour par deux lesbiennes. Salut, dur. Gros bisous à toi. On va t'appeler si tu veux. Service fini, je vous écoute depuis 2 ans, vous êtes vraiment trop fort, merci Ludovic André, gros bisous. Hein. Big up à mon fils, bonsoir à l'équipe, ça fait du bien de vous écouter, Théo Danger. Tu es à 45% en meilleur animateur sur Twitter, merci beaucoup. Au poseur de panneaux photovoltaïques, Société Nouvelle Énergie, je vous écoute tous les jours, bah, bon courage à toi. Salut. Bon courage hein, si vous bossez, bon courage à vous si vous cherchez du taf aussi. Salut l'équipe, gros bisous, dédicace à tous les anarchistes, excuse mon orthographe, j'ai 12 ans. Y a pas de problème frérot. Passe le message à tes potos, dis-leur d'écouter Énergie, qu'on se retrouve à 22h minuit, faut bien dire que vous écoutez Guillaume Radio 2.0, 22h minuit du lundi au vendredi. Première émission de France, les gars, bien loin devant les autres d'ailleurs à partir de 22h parce que vous êtes hyper nombreux à arriver, ça fait plaisir les gars là. Si la blague de JM est aussi débile que lui, on va bien se marrer. Ça se trouve, il répète pour le grand jour le jour de ce concert. Salut à toi. Toujours aussi au top, dédicace au petit Amaury. Camille, bonsoir Camille, garçon. Salut. J'aime le standard, il est généreux, mais Julien Stagiaire, il est généreux juste pour prêter son cul. Non, pas du tout, pas du tout. Non. La meuf me suce tous les soirs, moi, avant de dormir depuis un an et demi, c'est notre petit rituel. Et là, ouais, t'as de la chance. Ah, mais il y a des filles qui adorent sucer. Hein. Ah, bah ouais. Ah, ouais, des bonnes. Ouais. Je viens de te dire. Non, j'ai failli dire une connerie. Quoi? Non, parce que des bonnes suceuses. Ouais. Bon, c'est pas méchant. Ah, ok, d'accord. Bon, attends. Ça existe. Oui, attends. Non, mais une bonne suceuse. Après, il y a des filles qui prennent aucun plaisir. Ouais. Ça se voit, malheureusement. Vraiment. Ah, ça se voit. Et elles te font mal après. Il y a beaucoup de filles qui. Avec leurs dents, là, prennent pas de plaisir. Et quand t'en trouves une qui. Ah, tu te maries, là. Ça, c'est le gage. Julia, toi, c'est un truc qui te dérange, que t'aimes pas trop. Ça me dérange pas, mais il faut bien le faire. On est obligé. Bah non, t'as vu, c'est une corvée. Ah, tu vois, c'est une corvée. Ah, c'est une corvée. Il prend pas du plaisir énormément, mais bon, faut le faire. Quoi. Non, mais il y en a qui prennent un peu dans le sens un peu domination. Ouais. Je suis un peu. Esclave. Peut-être pas esclave non plus, mais tu peux être entre les deux, toi. Ouais. J'ai une ex qui, tous les soirs, devait se masturber avant de dormir. Très excitant au début, mais au début de quelques jours, ça devenait un peu chelou. Elle me regardait dans les yeux et elle se doigtait. C'est bien, ça aussi. Julien, un doigt dans la bouche, l'autre dans le cul, bon, mais d'accord. Respecte-moi un peu. Ma meuf me juge tous les soirs aussi. Putain, c'est marrant, ça, comme. Tous les soirs, c'est bien. Flo des cadeaux, c'est un truc, toi, t'es déjà arrivé de sortir donc, avec une meuf un petit peu chelou, tu disais avant, c'était quoi déjà? Elle se sentait les pieds en fait. Ah oui, elle se sentait les pieds. Ouais. Putain, toi, t'es quand même tombé sur des bonnes marjots aussi. Mais au début, je comprenais pas. Je lui ai demandé, elle m'a dit. Bah, genre, elle se sentait les pieds longtemps. Bah, au début, elle avait un peu honte. Non, elle faisait juste un sniff, mais elle le cachait. Au bout d'un moment, je l'ai grillé. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, je fais ça depuis toute petite et j'ai toujours fait ça. Putain, c'est quand même bizarre. Et si ça pue, elle fait quoi, elle se lave? Je sais pas, non, ça puait pas spécialement quoi. C'est juste pour. Il y en a qui sentent leurs chaussettes. Ouais, je peux pas le faire sentir ton pied. Déjà, lui passe un doigt dans sa raie. Non, il est propre. Vous avez du lourd, je veux bien un Xbox One, on vous les file après. Ouais. Trop content de vous écouter, l'équipe. Moi, je taffe demain. Bonsoir, Interro de Mat. Salut, Arthur dans le 42 là. Bon courage. Alors, on va retrouver toutes vos réactions, parce que pareil, comme Julie de Rougeant, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une petite passion dans la vie, ma Julie? Un petit sport, un petit truc, tu t'occupes, t'as un hobby? J'adore Disney, mais... Ah ouais, d'accord. Voilà. Après, je fais pas d'activité. Un peu de sport, les abdos, tout ça, mais voilà. Ah ouais. Ah, t'aimes bien un peu Disney, t'es une fan de Disney, ça? Ouais. Ouais, t'aimerais aller y travailler plus tard? Genre, c'est vraiment une passion de ouf? C'est féerie, quoi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh, le diamant. Ah, mais c'est vrai. Ça va être sympa de travailler à Disney. Ah ouais. Ah, c'est tellement Je sais pas si c'est si sympa que ça d'ailleurs derrière. Bon, souvent dans les trucs de divertissement comme ça en arrière, c'est pas si drôle que ça. Ouais. Dédicace à 974. Salut le 974. Salut la Réunion. Salut Julien du 33. Bonsoir les Réunionnais là. Trop content de vous écouter. Je taffe demain à Terreau de Maths. Salut Arthur dans le 42 là. Je suis en train de me stresser. Bien, c'est très con. C'est la première fois que je me stresse pour le réveillon du Nouvel An. Je sais pas quoi faire. Ah ouais. Ah, c'est dans deux mois. Mais j'ai tous mes potes qui commencent à m'en parler. Ça me stresse. Commence, ouais. Ça va, ouais. Ouais, ma Julie. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr, vas-y, fais ta dédicace. Merci. Juste une petite dédicace à la web radio sur internet, Remzo et Radio. Ah bah vas-y, y'a pas de problème alors. Eh bah, petite dédicace. Merci. Un peu. Ah bah t'as une autre passion que Disney. Ah oui, ouais. Tu l'as dit. Oui, non, mais voilà. Ah, c'est bien. Après, je vous écoute, vous, tout le temps. Eh bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, ouais. Mais attends, tu t'entraînes un petit peu, tu fais un petit peu de web radio toi-même? Non, moi j'écoute. Ah, t'écoutes, ah ouais, t'écoutes un c'est petit bien, peu. C'est bien, ouais, c'est bien. Putain, on est en concurrence avec une web radio, ça. Ah. Je te kiffe, c'est super ce que tu fais, merci les gars. Au second du lycée Progrès, ça apparaît dans le troisième. Salut Adam. Et si vous voulez faire une petite dédicace, allez-y. Hein. Elle a 17 piges, ma meuf bouffe son doudou, putain. Grâce à ma sœur, je reconnais Miyagi et je ne le regrette pas. Bonsoir à toi. T'as gardé la dédicace que vous m'avez fait à la Fnac de Rennes, j'ai gardé, merci beaucoup. Salut. Ouais, c'est gentil, il y a eu le feu à mon bahut aujourd'hui à Nantes. Appelle-moi, faut que je te raconte, c'est ouf. Eh ben vas-y, y a pas de problème. Hein. Et vous me dessinez une petite dédicace, un petit message et je vous appelle là. Il y a Julien qui a appelé. Bonsoir mon Julien. Puis après on se fait le finir. Ça Julien quoi, 34 ans, puis on va retrouver Stéphane 20 ans. Gratouille 12 ans. Quel est un SMS par à l'instant. Guillaume, et votre message aussi 112. Moi et mon copain, on se met fesse contre fesse pour s'endormir. Ah, j'aime bien faire ça aussi. Ouais, mais et je mets une main dans le dos, je me retourne fesse contre fesse comme ça. Ouais, c'est trop agréable. Ah ouais. Et toi tu dors quoi? Je vais essayer bite contre bite. Non. Non, moi je prends la meuf dans mes bras. Bite contre bite. Je la prends dans mes bras moi. Mais dans quel sens? Bah genre elle pose sa tête sur mon bras, tu vois. Ah ouais. Comme un petit bébé, je la prends. Ah ouais. Je la porte et je la câline. Bah je déteste dormir avec la tête. Moi ça me coupe la circulation. Bah oui, exactement. Bah moi j'aime bien, je sais pas, c'est peut-être bizarre mais il est tellement à l'envers lui. Ah oui. Bah non, c'est quand t'es amoureux d'une fille. Non mais ça n'a rien à voir. J'ai jamais choqué une fille en disant ça. Hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, mais, non mais moi après, je la prends, mais en fait je peux pas dormir toute la nuit avec la fille sur le bras. Même après tu bouges, mais je m'endors comme ça. Je connais pas un homme qui s'endort tous les jours avec la fille sur le bras. Désolé. Ouais. En même temps ça ne doit pas être long, ça. Ça veut dire quoi? Elle fait 20 grammes, elle est soufflée dans son cul pour la Disney. Non, c'est vrai, tu dors avec. Ah, j'adore, ouais. Meuf. On a bien chaud après. Ouais. Pour l'hiver, c'est bien, c'est pratique. Ouais. Mais genre, dos à toi, face à toi, sur le côté? Non, elle est. Toi, t'es dos au sol en fait. Non, moi je suis sur le dos, elle est un peu contre moi, tu vois, trois quarts sur moi. Ah oui, moi on le fait avant de se coucher, on parle un peu, mais après, se retourne. Oui, moi, j'adore. Tu dors comment? J'aime s'en raconter avec une fille. En cuillère. Ouais, en cuillère, voilà, la base. Ah ouais. Putain, tu mets le bras un peu haut et tu mets le bras dessus là. Tu la cales un peu la main sur les seins, mais un peu sur l'épaule, tu la tiens. D'accord, ouais. Ah ouais, le bonheur. C'est bien aussi, ouais. Julia, tu dors comment? Moi aussi, je fais la cuillère, mais j'ai toujours des fourmis au bout de 10 minutes dans mon bras. Non, en fait, faut mettre la main au-dessus de la tête. En fait, faut mettre la main un peu sous l'oreiller gauche, quoi. Flo, des cadeaux? Moi, je dors un peu comme je dors les pieds dans le nez. Les mecs, ils ont besoin d'être hard. Non, vas-y, raconte. Non, c'est un peu comme Julia, le stagiaire. Elle dort sur mon bras et contre moi, en fait. Ah, tu vois, vers moi. Tournée vers moi. Attends, elle dort sur toi? Ouais. Elle a sa tête sur mon bras et elle est tournée vers moi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Ouais. Et t'as pas de fourmis? Bah au bout d'un moment tu bouges, mais c'est agréable de s'endormir. Ah oui, mais moi je peux pas vraiment m'endormir comme ça. Non. Si je suis pas vraiment parfaitement bien. Ah si, bah, calé quand même. Moi j'aime bien quand elle est derrière moi, c'est agréable aussi. Tu sais quand elle est derrière toi. Tu dors un peu sur la droite, comme ça, puis elle se met derrière toi. Tu la vois pas. C'est agréable, bah c'est pas, tu la sens. J'aime bien sentir le souffle dans ma nuque. Ah, moi ça me fait chier ça, tu vois. C'est censé ça. Ah non. Ah, me souffle. Ouais, comme la clim dans le cou là, c'est chiant. Ouais. Pardon, j'ai comme la clim dans le cou, c'est chiant. Oh là là. C'est pas une clim. Tellement la nuit. Non, mais respiration. On est fous, on rigole, on est fous, on fait passer l'ennui. Salut à tous les routiers, bonsoir les routards et transports TFU. Merci à vous pour votre émission. Salut mon Greg au lycée Lafrenne, salut Théo. Bonsoir aux pompiers, en particulier à mon tonton Jacques. Il y a Mickaël, bisous de Jenny, bonsoir Jenny. Bisous. Mon copain fait comme le stagiaire, il se tape des queues. Non, pas de coucher. Jordan m'a appelé tout à l'heure. Dédicace au seconde de lycée Progrès à Paris dans le troisième. Alors moi ça m'arrive de me coucher. Ah oui. J'ai mal à m'endormir. Ah bah oui. Ouais. Et là direct tu t'endors. Ah, ouais. Ça fait du bien. Votre émission est mon seul moment de repos de la journée car on a trop de travail en troisième. Bonsoir à toi. Bon courage. On m'a demandé de ne plus parler de cul dans l'émission. Alors, ça c'est pas vrai. Si si, je vous jure. On dit, verra. Mais, ah ouais. Donc du coup on en parlera. Merde. On a plus le droit de décrire. Attention, ça se restreint les amis. Aïe. Donc on va parler un petit peu doucement, mais en fait en vrai ça va et on va. Et les pervers reviendront un jour. Je vous le dis, les pervers. Faites-moi confiance, bah les oui. amis. J'ai un jeu demain, Sarah, qui est encore plus drôle, je crois. Demain. Mais je garde une surprise. Je garde une surprise jusqu'au dernier moment. Et demain soir, il y aura un nouveau jeu qui remplacera les pervers. J'ai une surprise énorme. Voilà, demain, soyez avec nous parce que vraiment, d'habitude, on faisait les pervers. Je me faisais passer pour une femme. On appelait des hommes un peu chauds sur des chats de cul. Et là, demain, on a un nouveau truc. Je me ferai passer pour un. Alors, ça fait longtemps. On a déjà fait une fois dans un clash. Une fois, ouais. On a fait le couple belge. On a fait un milliard d'accents. Et là, on a fait l'accent forain, l'accent gitan. C'était un mec qui nous avait dit, putain, pourquoi vous faites pas. Il nous avait appelé à l'antenne et, ouais. avec l'accent. Il a dit, pourquoi vous faites pas de jeu et tout. Et en fait, du coup, ouais, bah, je me suis entraîné, mais j'ai du mal à le faire encore. Ouais. Mais demain, je vais m'entraîner. Flo des canons, il fait bien. En fait, il faudrait pas parler sans vraiment un peu à la Snatch, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait un gitan dans Snatch, c'est Brad Pitt qui joue le rôle, et il joue trop bien l'accent. Et parce qu'en fait, j'ai parlé comme ça, j'ai pas compris. Hey, cousin! Ouais, c'est pas difficile de parler comme ça, faut le parler un peu vite, et puis on comprend moitié le mot, et puis après tu comprends bien que la phrase quand même. Ah, parce que quand je suis comme ça, tu n'es pas compliqué, mais j'ai oublié, pas les commandes. Et on a plus le droit de parler le cul, mais on va quand même. On appellera des hôtels, il faut qu'on trouve un truc genre en mode on arrive, on va brancher un manège ou quoi pour faire flipper les hôtels et tout, ça peut être marrant. Hein. Dédicace d'ailleurs à tous les fois, on vous fait un gros bisou, tous les gitans, tous les mecs qui écoutent aussi, si vous êtes hyper nombreux. Votre émission est mon seul moment de repos de la journée car on a trop de travail en troisième. Bon courage les potos. Ouais, bon courage, tenez bon. Vous bougez pas, 30 secondes, on se retrouve, il y a 30 secondes de pub et on fait le jeu des faits divers. Énergie. Numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Music only. Vous rêvez d'être DJ pro? Rejoignez l'un des 5 campus DJ Network, première école de DJ producteurs en France, et décrochez votre diplôme reconnu par l'État. Lancez-vous avec DJ Network, partenaire officiel des Energy DJ Awards. Plus d'infos sur dj-network.com. Gagnez toute la journée votre compil Energy Hits Music Only 2016 Volume 2. Tous les du moment réunis sur 3 CD. Avec en exclu LP, Feder et Alex Ayono, Soprano, Kung, 21 Pilots, Feature Laser featuring Justin Bieber et Mo, Amir, Jonas Blue, Julian Peretta, Sao, Alonso, Claudio Capeo, Sound of Legend, Vita, Alvaro Soler, Frérot de la Vega. La compil Energy Hits Music Only 2016 Volume 2. Vendredi dans les bacs. Destin, DES, DIN au 7-22. Nos experts te révéleront si tu rencontreras l'amour, si tes projets se concrétiseront, si tes doutes étaient fondés. Envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS. Énergie. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter 5 et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games. Play again. Jouer encore. Jeu jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. En partenariat avec Alcatel et sa gamme Idol 4, livré avec un casque de réalité virtuelle offert. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. On a gardé le meilleur pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, allons-y, on se fait Binta maintenant. Il y aura Kendrick Lamar, Chainsmokers, Jul et tout avec Gims là. Il s'appelle Boucan, on se cadrera après. Guillaume et votre message aussi, son dos, si vous voulez venir avec nous. On est ensemble sur Énergie, Guillaume Radio 2.0. Ça fait plaisir d'être là. On va parler des habitudes de vos mecs et de vos meufs au lit avant de s'endormir sur Énergie. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con. T'en veux encore, oui parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout en accord. Elle dit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le coût des finances, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. De la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, on se fait le jeu des faits divers maintenant. Et attends, tu sais quoi, on va faire un plus ou moins maintenant. J'ai envie de faire un plus ou moins. Je vous file des cadeaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cadeaux avec la semaine dernière et tout. Je vais marquer un chiffre sur ma petite feuille là. Je vais le montrer à l'équipe. Le premier qui me le trouve, je file la PS4 et la Xbox One et la tablette Samsung Galaxy Tab E. Alors attends, il faut que je marque un chiffre sur ma feuille. Vous envoyez Guillaume un espace, le chiffre, avec votre numéro au 612 maintenant, les ouais. Mecs. PS4, Xbox One, je le montre à Fleur des cadeaux. Ouais. Julia aussi au fond. Ouais, c'est bon. C'est bon, allez, c'est parti, tout le monde l'a noté. Le premier qui me trouve le chiffre que j'ai marqué sur ma feuille, le logiciel va me le détecter et on lui offre direct le cadeau. C'est une course de rapidité. Bonne chance. Il y a 100 fois plus de chances de gagner qu'au loto, les mecs. Vous tapez Guillaume et le message au 612. Allez, Guillaume, un espace, par exemple 32, voilà qui vient d'arriver. C'est plus que 32, les gars. C'est un chiffre qui est supérieur à 32. Vous êtes les meilleurs, toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. C'est dédicace à Ju. Moi, elle est bipolaire. Elle était bipolaire, ma meuf. Elle était cool et un instant, elle devenait hyper tarée. Ouais, elle relou. Gueulait, elle tapait sur les murs et tout. Salut Xavier, là. Bon courage. Dédicace à Seconde du lycée Louis Progrès à Paris. Bonsoir à toi. Je viens de te dire d'Henri Jean-Marc. Non. Bonsoir à mon amour. Presque 5 ans d'amour et à ce jour, je suis sûr que tu es l'homme de ma vie. Gros bisous à vous, je vous kiffe. Tu as raison, c'est juste une question d'hygiène. Moi aussi, c'est pareil. Il est bien plus propre de prendre sa douche avant de se coucher. Comme oui, Julia qui est avec nous. Et... Ouais. Et toi, Julien, tu as une habitude pour t'endormir avec ta meuf, hein, Julien. Ouais, c'est ma meuf qui a fait surtout une habitude. Salut Guillaume. Ça va ou quoi? Salut, salut. Les coups à capuche. Ça va? Salut, ça va. Il a entendu le nom de l'émission. On est là. Ça marche plus, putain, j'ai mon déformateur de voix qui m'a. Hey, encore. J'aime ça, ce jour ça me rend fou moi. Il marche pas, on a un déformateur de voix, c'est une merde. Il marche plus, il marche une fois sur quatre là. Putain, ça vieillit, oh, j'ai tout. Oh. On l'a acheté en même temps que le CD de. allez-y, hein. Guillaume, un espace, et vous m'envoyez le bon chiffre, on va en parler dans deux secondes. C'est plus que 32. Tiens, vas-y, dis-moi un chiffre au hasard, Julien, si t'as le bon, je t'offre la PS4. Allez, le 26. Ah non, au-dessus de 32. Attends. T'as fait l'Evangélie là. 62, c'est plus que 62, tiens. Attendez, Guillaume et le chiffre, et vous mettez bien votre numéro. Hein. Ton émission déchire, je l'écoute depuis le début, jamais déçu. Merci frérot. Salut Mathieu. Merci. Salut. Collège Saint-Michel de Picpus dans le 36 aussi. Dans le 36, et à la 306, pardon, Émilie du 75. Alors Julien, vas-y, raconte l'habitude de ta meuf avant de te coucher pour t'endormir alors. Ben, je sais pas, elle devait avoir l'impression que mes couilles allaient se promener la nuit. En fait, elle s'endormait, la main posée sur mes couilles. Donc, au début, sympa. Mais quand elle commence à s'endormir et que t'as la main qui se contracte, bah, des fois, tu travailles grave en sursaut. C'est vrai? Ah ouais. Parce qu'elle les presse, du coup. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Elle aime bien s'endormir la main sur les couilles. Ça la rassure. C'est ça. Moi, je peux pas comme dormir quoi, avec un contact avec une main. Il y a trop d'énergie dans les mains, trop de chaleur. Et donner la main. Et ah non, moi je peux pas m'endormir en donnant la main. C'est déjà arrivé. En fait, t'as la chaleur de la main à l'intérieur, ça brûle. C'est pas agréable. C'est vrai. Ah ouais, il y a complètement de l'énergie dans les mains, mais ça c'est sûr. Hein. Les guérisseurs, ils guérissent comme ça, les mecs, même à l'hôpital et tout, pour les brûler et tout. Et en fait, tu sens quoi. J'aime ça. Moi, j'aime pas aussi. Tu sens en fait un truc. Mais toi, j'essaie, t'as pas d'onde. Non, mais justement, j'ai l'impression que je vais être bizarre, mais j'arrive à m'endormir comme ça. Main dans la main avec une fille. On est tout droit dans le lit comme ça. On voit que ça fait 5 ans que t'as pas eu de main. Oui, mais je l'ai déjà fait. Ouais. Je sais pas, j'arrive. Main dans la main. Moi, ça me gêne pas. Attends, il y a trop de chaleur. Main dans la main, non. Après, c'est pas la main. C'est pas agréable. Je sais pas. J'ai un stagiaire, il sort avec des mecs en costard. Il sert les mains et il s'endort avec. Avec la valisette et tout. Pas du tout. 4 heures. Et donc, les mains, 89. Non, c'est plus, les mecs, 89. Est-ce que c'est 210? C'est plus que 210. T'as pas laissé ton numéro, frérot, par contre. N'oubliez pas les numéros dans les SMS. C'est plus que 210. J'ai le cœur qui bande devant billet. Attends, 600 06 24 79 00. Salut frérot, c'est moins que 600. Ah. On cherche un chiffre entre 210 et 600. Allez-y, hein. Maintenant Guillaume est la bonne réponse au 612. Qu'est-ce que c'est? Guillaume est le message au 612. Est-ce que c'est 560? C'est moins que 560. Est-ce que c'est 370? C'est plus que 370. Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro. Le premier qui l'envoie, je lui offre, hein, les gars. Est-ce que ça serait 500? C'est plus que 500. On cherche donc un chiffre entre 500 et 560. Vous avez une chance pile poil sur 60 de gagner. Je sais pas si vous imaginez, c'est maintenant qu'il faut avoiner, les mecs. Guillaume est la bonne réponse. Allez-y si vous l'avez, entre 500 et 560. Est-ce que ça serait 538? C'est plus que 538. Salut à toi qui a laissé le message. C'est pas très loin en plus, c'est entre 538 et 560. Il y en a qui dit, est-ce que c'est 550 tout pile? C'est moins que 550. Oula. On cherche un chiffre entre 538 et 550. Une chance sur 12. Allez-y, hein. Guillaume est la bonne réponse au 612. En plus, c'est le premier jour de la semaine. On a des PS4, on a des Xbox One, on a des tablettes Samsung Galaxy Tab E. La nuit est à nous. Bonne route, les Ibou, les War, Nenchu. Bonsoir, les Loustics. Salut, Sonia du 3-5. Gros bisous, les mecs. Guillaume est le bon chiffre, les mecs. Allez-y, hein, si vous êtes à l'internat, si vous êtes dans le lit, si vous allez au bahut demain, bon courage à vous. On cherche un chiffre entre 538 et 550. Guillaume est la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait 546? Salut qui en est arrivé. C'est moins que 546. On cherche un chiffre entre 538 et 546. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Guillaume, donc, est la bonne réponse au 612. Entre 538 et 546. Les gars, qu'est-ce que c'est? Réfléchissez bien 10 secondes. Entre 538 et 546. Guillaume, un espace et un chiffre que vous proposez avec votre numéro au 6-11-12. Si vous voulez jouer avec nous sur Énergie, on se fait Gims et Jules maintenant. Beaucoup sur Énergie. Depuis les Champs-Élysées, 700 chevaux, pile poils, de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. Je suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, doudou, tous les gens. Nouvelle saison, nouveaux horaires. J'ai de la bite, j'ai tout ce que tu veux. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Et on est avec Mirandoline. Et ensuite, on se termine le juste prêt. On cherche un chiffre entre 538 et 546. Il y en a qui me dit 543. C'est moins que 543, les gars. Et un chiffre entre 538 et 543. Guillaume, donc, est la bonne réponse. Et votre numéro, les gars, au 612 de PS4, des Xbox One et des tablettes Samsung Galaxy Tab. Tu m'entends, Mirandoline? Oui, tout à fait. C'est hyper original. Ah oui, comme prénom. J'avais jamais entendu Mirandoline. C'est un peu instrument de musique, c'est mignon. La mandoline, ouais. T'es d'où, Mirandoline? Je suis de Châtellerault, mais c'est breton, mon prénom. Ah, ok. Et comment on t'appelle? Genre, t'as un petit surnom, genre Mimi Miranda. Miranda. Oui, c'est ça, Mimi. Mirando. Mimi, ouais. Eh ben, enchanté. Et il y en a qui t'appellent genre Mirandoline aussi. En entier ou jamais, du coup? Si, on me dit toujours Mirandoline. Ah ouais, les profs, et c'est joli, ouais, c'est original. Ouais. Salut les Bretons, un gros bisou les gars, ça fait plaisir. En tout cas, on cherche un chiffre juste en deux secondes. J'ai les PS4, j'ai les Xbox One, j'ai les tablettes Samsung, les nouvelles en plus, les tablettes Samsung Galaxy Tab E. Et on aura des allers-retours aussi pour aller voir Soprano à Energy, là, au concert à Energy le 28 octobre. En haut de la tour Montparnasse. J'avais un truc, ça. En haut de la tour Montparnasse, on vous file ça. Avec tout compris, hein, c'est-à-dire l'aller-retour, l'hôtel, normalement le restaurant, tout, c'est ça, j'aime ça. Il y a tout, Guillaume. Et il vient jeudi avec nous dans l'émission, on fait une spéciale où il va co-animer avec moi l'émission, ça va défoncer, ça va être jeudi soir à 22h. Rien de mieux qu'un extrait de musique pour boire de l'eau. Et on cherche un chiffre entre 538 et 543. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est 541? Bonne réponse. Bravo. Voilà, on va prendre le premier qui est arrivé. Il y a quelques secondes, du coup, on va prendre grâce au logiciel. Je vais l'appeler. On va lui offrir le cadeau. Mirandoline, c'est toi qui lui parle, d'accord? D'accord. Ok, vas-y. C'est toi qui fais l'animatrice et tout. Tu dis on va tourner la roue des cadeaux, mes couilles. D'accord. Ouais, tu fais le. Bien. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? T'as quel âge? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nico. Nico, et t'as quel âge? 30 ans. 30 ans, et t'habites où? En Alsace, près de Mulhouse. Alsace. Ah bah c'est joli là-bas. Ouais. Bah écoute, tu as gagné le juste prix. Ouais, super, merci. Et on va faire tourner la roue des cadeaux. Ouais, allez, c'est parti. Demande-lui le cadeau qu'il aimerait pour voir si on tombe bien. Et tu voudrais quoi comme cadeau? Ben la PS4, je l'ai déjà gagnée l'année dernière, alors la Xbox, ça serait mieux. La Xbox? Ouais, parce que la PS4, bon, j'ai déjà gagnée au juste prix il y a un an à peu près, je crois. Ah, bah cool. Bon, bah j'espère que ça va tomber dessus, alors. Bah ouais, j'espère aussi. On va faire tourner un cadeau, donc. Tablette Samsung Galaxy Tab E. Eh ben voilà, bravo, c'est gagné. Bravo. Bien joué. C'est gagné, frérot. Ouais. C'est quoi ton prénom? Nico. Ça va, mon Nico, ouais. De quelle ville? Salut, Nico. Bartenheim, c'est à côté de Mulhouse. Ah, d'accord, ok, bah, dis-le. Dans le 6-8. Ouais. Attends, t'avais déjà gagné l'année dernière? Ouais, l'année dernière, ouais, j'ai gagné une PS4 aussi. Hein. Putain, c'est ouf ça. Ah, mais tu joues régulièrement alors, quand même? Franchement, là, ça fait 6 mois que j'ai pas envoyé de message. Ah, putain. Parce que de toute façon, on a un logiciel qui détecte. Si vous avez gagné, vous avez plus le droit de jouer pendant 6 mois. C'est ah, la... bah ouais, mais ça fait plus que 6 mois. C'est ouais. La loi. Eh ben voilà. Cul, ouais. Non, mais il y en a plein, je tiens à dire, qui disent que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas joué. Ça marche vraiment. Non, mais je tiens à dire aussi qu'il y en a plein qui disent, ouais, je joue une fois de temps en temps, mais qui jouent quand même régulièrement et qui nous le disent pas. Parce que parfois, après, sur l'historique des SMS, on voit les numéros et on peut savoir le dernier message qui a été envoyé. Et souvent, c'est. Là, t'en as envoyé qu'un seul le message. Ouais, ça fait bien 6 mois que j'ai pas envoyé de message. Ah ouais, putain. Et comment ça se fait ce soir alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai attendu que tu te rapproches un peu du numéro, puis j'ai envoyé un. Au pif, quoi. C'est quoi ta technique alors? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Ouais, j'ai attendu que tu te rapproches le plus possible du numéro et puis j'ai essayé au pif, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Il en a envoyé plusieurs? Là, il en a envoyé une bonne vingtaine quand même. Non, c'est pas vrai. Si, les a. Attends, mais t'as raison, frérot. Attends, bah c'est pas grave, hein. Parce que moi, ça me fait. Les mecs, ils lisent à chaque fois. J'ai envoyé. Ah, attends, ils ont. Pour gagner deux fois, quand même, faut y aller. Hein. Faut enchaîner, ouais. Attends, c'est bien. Attends, je suis content, c'est cool. Mais t'envoies à partir de quand? J'étais entre combien et combien? C'est quoi ta technique, alors, pour ceux qui écoutent? Je sais pas, t'étais à 300. Entre 300 et 600, je crois que t'as eu un truc comme ça. En fait, t'attends un peu, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, pas trop non plus. Ouais. Ah, mais putain, c'est. T'as ta technique en tout cas, bravo, hein, frérot. Ouais, il y a l'équipe de France qui joue pour info, là, on nous demandait, là. Ils ont gagné 1-0. Exactement. Au Pays-Bas, but de Pogba. Pour ceux qui suivent, pourquoi il est en top tweet, Gignac? Ah, Gignac, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas regardé le match, hein, donc. Il s'est blessé, il s'est battu. Je sais pas pourquoi. Salut, André-Pierre Gignac. Salut. Bon, en tout cas, bravo à tout le monde. Benzema, apparemment. Benzema, il joue plus à l'équipe de France. Toujours pas en équipe de France. Toujours pas, qui demande. Toujours pas, non. Et bravo, Nico, t'es de 68. Tu m'as dit. Ouais, ouais. Bon, je t'envoie la tablette demain matin, je t'en passe tous les cadeaux. Ça marche, merci encore, les gars. Le spécialiste des cadeaux. Salut. Ouais. En partenariat avec La Poste. Voilà. Bon, et juste, Amy Randoline, alors, tu vas parler de tes fesses. Hein. Et ensuite on va faire le jeu des faits divers avec Flo des cadeaux. Il me faut deux joueurs, là, maintenant. Ouais, venez. Eh, mais maintenant, on fait pas de pause, je remets pas de musique, mes couilles, là. Il me faut deux mecs. Deux filles, qui vous voulez, il me faut deux d'entre vous. Vous envoyez Guillaume avec votre numéro de téléphone avec marqué jeu. Guillaume, un espace jeu, avec votre numéro de téléphone, avec votre numéro au 6-11-12. Allez-y, hein. Guillaume, un espace, vous envoyez jeu avec votre numéro au 6-11-12. Flo des cadeaux, tu m'en prends deux? Ouais, ok. Ok, très bien. Alors on en prend deux maintenant pour venir jouer tout de suite sur Énergie. Puis si vous voulez venir, il faudra juste dire vrai ou faux. Puis celui qui aura le plus de points, eh ben, vous gagnerez un cadeau. Flo des cadeaux va nous raconter 10 histoires de meurtre à l'intérieur. Il y en a des vraies, il y en a des fausses, quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir, Mirandoline? Là, t'es avec qui? T'es où? Fais quoi? Bah, je suis avec mon copain. Ouais, ton mec, hein. C'est lui qu'on entend derrière là? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au volant. D'accord, vous êtes attendu en fait pour reprendre la route. Ah, c'est gentil. Bon, vous êtes routier? Non, non. D'accord. En fait, on fait exprès de conduire pour vous écouter le soir. Non, c'est vous faites un petit tour, c'est rigolo. Ah, ça, c'est énorme. Ah, ouais. Ça, c'est le genre de message, ça me rend dingue, moi. Ça fait plaisir. Bien joué. Je te jure, non, mais c'est vrai, ça me fait trop plaisir. C'est quoi. Vraiment. J'ai l'impression que je suis un charmeur de serpents. Et tu te lèves. Bah, c'est super cool, hein. Merci beaucoup, Mirandoline. Parce que vous faites quoi dans la vie, vous deux? On est à la recherche d'un emploi, justement. Dans quel domaine? Moi dans la vente et lui ben dans tout parce que c'est des diplômes portugais, ça marche pas en France. Allez, il est porto, c'est comment il s'appelle? Miguel. Eh ben salut Miguel. Salut. Eh ben gros bisous Miguel aussi, hein, le copain portugais du coup. Ah, il a un diplôme portugais, ça marche pas en France? C'est pas européen le diplôme? Ah, c'est relou ça, putain, pour lui. Ah, tout bon à courage. Fait. Eh ben, en tout cas, Mirandoline, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'était quoi la technique pour t'endormir avec ton mec? Ensuite, on parle de cucu et on se fait le jeu des faits divers. Bah, tout d'abord, on n'arrive pas, quand on se couche, on n'arrive pas à dormir sans mettre nos fesses contre fesses. Ouais, c'est fesses contre fesses. Ah, ouais. Bon cul. Non, on le disait. Hein. J'aime justement une technique pour t'endormir facilement ou pas, non? Franchement, moi, je fais un peu comme tu disais tout à l'heure, une petite masturbation avant de me coucher. Je te jure que c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais. Mais ça m'aide de ouf. Ouais. Mais vraiment. C'est vrai? À chaque fois, j'attends même d'être dans le lit. Ouais, mais pas avec ta copine quand t'es une meuf. Non. Là, c'est technique en couple. Là, ah ouais, avant de dormir. Ah ouais. Technique pour s'endormir. Ouais, direct. Et après, si on fait pas l'amour, elle me le reproche le lendemain. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Et te dit quoi? Elle me dit, ouais, on aurait pu le faire et tout. Ça va, on l'a fait juste avant. Ah, c'est clair. Hein. Attends, je te jure, c'est ouf. Moi aussi, attends. C'est le marathon après. En fait, sinon, on a un rythme qui est assez chaud et tout. Entre tête. Ah ouais, on est d'accord. Et moins tu dors, moins t'as envie de niquer. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. Bah, toi, tu sais pas, tu dors 20 heures par jour. Je travaille 5 heures par jour, il comprend. Non, ça va, je dors quoi? 7 heures par nuit. Non, tu dors bien plus que ça. Toi, non, tu dors moins 7 heures. Non, 7 heures. Mais quand tu dors déjà en dessous de 6 heures, t'as moins envie de niquer. Bah oui. Tu sens que physiquement, t'es un petit peu affaibli. Attends, j'ai déjà une technique pour t'endormir quand t'es une meuf. Moi, je mets la musique. L'énergie web radio Bed ou Love. Non, c'est vrai? Ouais, ouais, elles existent, elles sont trop bien. Ouais. Ah ouais, je kiffe. On met mon téléphone, on met l'enceinte et on met la musique et on est là tous les deux. Ah, c'est rigolo. Et ça t'endort? Ouais, parce que c'est des musiques un peu sympas, tu vois. Genre, oh putain. Allez, mais en plus, moi, pour de vrai, je vous jure que c'est vrai. C'est, non, mais alors, c'est pas pour faire la promo, je m'en branle. Ah ouais, je mets vraiment l'application Énergie. Ouais. Il y a plein de web radio à l'intérieur. Et quand je fais une soirée avec des potos ou quoi, et ben je mets ça. C'est valeur sûre, hein. Et c'est, non, mais c'est surtout le choix, bien sûr, mais je suis complètement d'accord. Même pour aller courir, ta fitness. Bien sûr, c'est trop pratique et tout ça. Non, mais ça, alors, on est complètement d'accord. Ouais. Est-ce que ça vous arrive, hein, pareil, hein, JM du standard là, qui fait l'amour. T'as toujours un rapport avec la top dans toutes les années. Je suis pas exprimé. J'ai un stagiaire, lui, c'est plus. Là, c'est la musique. C'est plus la musique. Ça te dérange pas la musique pendant Ah bah non, oui. Par contre, ça nique la batterie après. Moi, j'ai une copine de mon ex-copine. Elle nous racontait en soirée, je m'étais même énervé et tout, je comprenais pas. Elle avait besoin de mettre la télé fort pour s'endormir. Il y en a comme ça. Mais ouais, mais fort. La lumière c'était aussi. Pas genre doucement. Ouais. Elle avait besoin de le mettre fort. Je sais pas à quel moment t'as besoin de ça, quoi. Bah, si elle est habituée. Hashtag Guillaume Radio, hein, si vous voulez commenter l'émission d'ailleurs ce soir, vous pouvez y aller avec plaisir. J'ai vu qu'on est déjà TT il y a 2 minutes et tout, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Merci. Et toi, Mirandoline, à part mettre cul contre cul, vous faites rien? Vous avez pas une technique, un autre truc pour s'endormir plus facilement? Non. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Julia, c'est quoi ta technique? Toi, t'es obligée de doucher. C'est quoi ta technique pour t'endormir? Pour m'endormir, moi, je prends un livre et je lis 3-4 pages et après, je m'endors direct. Ça me. Ça te saoule, quoi. Ouais, tu lis dans le lit, même quand t'as qu'une meuf? Non, bah non, mais pour m'endormir, quoi. Ouais. Ouais. Ça répond à une question. Elle a pas compris le sujet. Dans le lit, comment tu fais pour t'endormir? Tu lis à côté de ta meuf? Ouais, bah oui, voilà. Avec ta torche ou avec la lumière? Ouais, une petite torche. Chacun sa vie, c'est pas bien ça. Avec ouais, voilà. Bah, une petite torche dans le lit. C'est pas bien ça. T'es comme à l'hôtel, t'as une petite torche. Ouais, exactement, ouais, je te jure. C'est nul. Ça, c'est bien ça. Il faut partager avec ta copine ou ton copain. De quoi partager quoi? Le soir, tu vas pas lire dans ton coin comme un. Mais si, mais non, on rentre à 1 heure. Les gens dorment. Non, c'est assez difficile d'être en couple. On se rend pas compte dans l'équipe et tout, mais quand on rentre le soir et tout, trouver une fille qui accepte et tout de se coucher tard comme ça, c'est pas si facile, hein. C'est vrai, c'est vrai. Flo des cadeaux, est-ce que pareil t'as une technique pour t'endormir plus facilement quand t'es avec une meuf? Bah moi je me berce en fait, donc je la prends contre moi et je me mets à hocher de gauche à droite en gros. À hocher de gauche à droite. Je sais pas comment dire. À me secouer, quoi. Ouais, tu fais comme un bateau de gauche à droite. Ouais, c'est ça. Et en fait je me berce et ça m'endort. C'est vrai? Ouais. C'est dur ça aussi. Mais ça va être horrible pour essayer d'or. Au début je suis sorti avec une meuf, elle trouvait ça un peu bizarre, mais après s'y habituer. Et ça l'endormait aussi finalement. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, de gauche à droite. Ouais, ouais. L'autre, bah, il y en a un qui balance, qui sont ses pieds. Attends, c'est quoi ce couple? J'ai un stagiaire, c'est un charmeur de cul avec son cul. Un charmeur de cul. C'est pas Jérém le stagiaire, c'est Julien le stagiaire. Ouais, c'est ça, ouais. Julien, ouais. Y a un mec qui ronfle dans ma chambre d'internat, je fais quoi? Bah appelle-moi, fais-moi écouter, frérot. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu te shootes à l'odeur de peau de ta femme et tu l'enlaces après, tu la vires quand tu dors. Ah ouais, c'est exactement ça. Tu te shootes à l'odeur de. Tu vas dans ton coin après. Tu mets ton nez sur son épaule et tu sens l'odeur. C'est quand même extraordinaire, quoi. Bien, ça. Ma technique pour m'endormir, c'est de vous écouter en podcast tous les soirs. Ah bah c'est gentil les gars. Il y a Anne-Laure qui est là aussi. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir, bonsoir. Enchanté, j'écoute les Tortues Ninja. Ancienne, quoi. Ah, trop bien. Ça te dérange si je mets du rap soviétique pendant que je te parle, Anne-Sophie? Alors, vas-y, raconte, Anne-Laure. T'appelles de Montagnac, dans le 34, toi? Dans l'Hérault. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis caissière dans une grande surface. Caissière, très bien. En quelle grande surface? Carrefour, très bien. Enchanté alors, Anne-Laure. On va retrouver Carla, 13 ans, dans 2 minutes pour le jeu des Feliva. Il me manque une personne. Hein. Vous envoyez Guillaume et je avec votre numéro et j'en prends une ou un à l'antenne maintenant. Alors, vas-y, raconte Anne-Laure de Carrefour. Alors, moi, mon ex, le soir avant de se coucher, donc déjà, il fallait prendre la douche avec lui, le soir, d'office. Et une fois au lit, il aimait bien avoir des gratouilles dans le dos, sur la tête, partout, des petites gratouilles, mais en être rouge à force, quoi. Ouais, mais ça, c'est normal. Ouais. Mais là, vous me racontez des trucs, c'est la base. Bah, prendre la douche, c'est bien. Non, non, attends. C'est sexy la douche. Moi, j'ai 20 ans et ma tante fêtait ses 54 ans, c'était une MILF. Dans la nuit, elle m'a chauffé, elle a pris ma main pour la poser sur son sein. Ah ! Sa tante. Putain, attends, bouge pas, je t'appelle, hé. 0644 là, je te passe un coup de fil direct. Qu'est-ce qu'il y a, Jimson, sans que c'est de la couille. Un peu, ouais. C'est genre la sœur de son père ou de sa mère. Ouais. Ah non, merde, putain, j'ai fait un mauvais numéro. Ah putain, attends, je suis en train d'appeler quelqu'un qui a demandé là. Attends, je t'appelle, toi qui t'es fait chauffer par ta. Tante. Non, mais c'est pas possible. La tata, quoi, mais c'est la famille. Attends, il dit que c'est une MILF et tout là. J'ai 20 ans et ma tante fêtait ses 54 ans. Attends, c'est-à-dire que c'est la sœur de ta daronne, non? Ou ton père, ouais. Il peut y avoir différentes versions de tante. Ah ouais, ça peut être le mari de ton tonton. Une belle tante. Ça va, le mari de ton tonton. Allô? Tu m'entends? C'est toi qui parles des MILF? Ah non, je crois que c'est une couille. T'as raison, j'aime ça. Bah ouais, je crois que c'est un mec c'est qui trop beau pour être vrai. C'est un mec qui veut passer à l'internat. Ah oui, jamais. Attends, je te redonne une chance ou je donne ton numéro à l'antenne si tu ne parles pas? Non, bah c'est moi, tu m'encules pas. Attends, attends, va voir, peut-être qu'il va répondre, hein, le pauvre. Eh, réponds si on entend ton numéro à l'antenne. Alors, tu me l'as fait il pas va répondre, tu vas voir. Allô? Allô? Ouais, ah, c'est une couille. Ouais. C'est quoi ton prénom? Allô? C'est quoi ton prénom? Moi, je sais pas si j'ai pas trop envie de le dire. Non, mais c'est une connerie ton message, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Non, c'est vrai. T'as 20 ans? Ah ouais, j'ai 20 ans. T'es né en quelle année? En 96. 96, ok, très bien. Bon, enchanté alors. Ouais. On dira pas d'où tu viens et tout, aucune info. Si, ah, du nord ou du sud? Ah, du sud, mais là, je viens du nord, mais je fais mes études dans le sud. D'accord, ok. Alors vas-y, raconte un peu ce qui t'est arrivé. Bah, c'était ma tante, elle fêtait son 54e anniversaire. Oui. Et puis, elle avait invité ses potes et tout, et à chez elle et tout. Puis, dans la nuit. Attends, mais ta tante, c'était qui pour toi? C'était genre la mère de la sœur de ta mère, la sœur de ton père ou la femme de ton oncle? Non, en fait, c'est un peu compliqué parce que mon grand-père, il a un frère, tu vois. Ouais, bon, c'est pas quelqu'un qui a du sang avec toi, quoi. Ah, c'est une alliance. Ah, si. Si, oh putain. Ah, merde, c'est chaud ça. Attends, attends, tu la kennes ou pas? Bah, non. Attends, il y a 30 secondes, tu vas nous raconter ton histoire de cul avec ta tante en détail. Vous bougez pas et on peut jeter Félix. T'es au premier concert privé de Soprano. C'est Soprano. En haut de la tour Montparnasse avec. Énergie. Pour la sortie du nouvel album de Sopra. Écoutez Énergie tout le temps. Dès que vous entendez le double hit Soprano, appelez Énergie 3937 et gagnez vos places pour la Énergie Live Session de Soprano. Le 28 octobre, en haut de la tour Montparnasse à Paris. C'est un truc de dingue. Énergie. Numéro 1 solide pop, R&B, dance. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Hey, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Gagnez avec Énergie des box all-inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Vous rêvez d'être DJ Pro? Rejoignez l'un des 5 campus DJ Network, première école de DJ producteurs en France, et décrochez votre diplôme reconnu par l'État. Lancez-vous avec DJ Network, partenaire officiel des Energy DJ Awards. Plus d'infos sur dj-network.com. Slimane. Si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors. déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play a game. Jouer encore. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. About me, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. Je porte un collier religieux pour dormir, c'est stressant. Ah bon? Putain, ouais. Pour dormir, juste. Ouais. Raconte-nous pourquoi alors, c'est bizarre, juste pour dormir. Ouais. J'aime dormir avec la main sur le sein, moi, de ma femme. Salut Fabien du 54. Ah, c'est bien. On se raconte un peu les histoires. Bonsoir à toi, Guillaume. Prépares-tu une émission spéciale Halloween? Ouais, on va essayer de le faire avec plaisir. On se raconte un petit peu. Moi, ma mère. Alors, attends, il y a beaucoup d'appels. Hein. Vous êtes les bienvenus, les mecs, qui voulaient parler. On va se faire le jeu des faits divers. Flo des cadeaux va raconter des histoires. Il va falloir savoir lesquelles sont vraies. Lesquelles sont fausses. Ah, je t'entends, poteau. Ah, t'as plus de batterie? Ouais, attends. C'est bon, j'ai branché. Ah, vas-y. Ah, merde. C'est Camille Kelb, j'avais 3%. Ah, ouais, non, c'est chaud, c'est chaud, ça a arrêté con. C'est la première fois que tu passes à la radio? Non, je suis déjà passé, mais je sais pas si tu te souviens, c'était à la fin, on allait jouer à l'Euro. à la fin de l'Euro au mois de juin. Ah là là, on avait joué un truc, il fallait marquer un but. Attends, c'était quoi ce truc là? C'était justement dans les derniers là, tu sais, le truc qui comptait double à minuit. C'est moi qui ai dit gorge profonde à Nina, je sais pas si tu te souviens. Non, je me rappelle. Attends, je sais plus ce que c'était, putain. Pour l'Euro. C'était un vote pour ceux de l'équipe, c'est ça? Ah ouais. Oui, pour élire. Et c'était Belly, c'est Amina qui a gagné. Ouais, c'est ça. Avec un gars. Attends, je me rappelle qu'il y avait des trucs, mais je me rappelle plus de quoi exactement. C'était voté JM. Ah là là, il fallait donner son vote en fait. Ouais. C'est comme si tu te donnais un but et en fait tu choisissais la personne de l'équipe à qui tu donnais à la fin le dimanche. Ouais. C'est le résultat final. Amina, à un moment, Amina, tu fais un gars pour avoir son point et moi je dis gorge profonde. Et après t'as fait. On va inviter PNL dans l'émission là. On va les inviter ce soir. On va inviter Jules. Mon dépuce là, j'ai été bien chez toi. De quoi? De quoi? Mon dépuceur, j'étais bien chez toi. Ah ouais, bah c'est bien. Ah bah alors ça reste bon alors. Bon, on t'a pas demandé ton prénom ce soir, mais c'est vrai alors, t'as vraiment ta tante qui t'a chauffé. Ah ouais. Alors vas-y, donc raconte alors, c'était son anniversaire, c'était ses 54 ans, t'as 20 ans. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise, hein, franchement. Non, mais t'inquiète, vas-y. Ah oui, normal. Non, mais c'est vrai ton histoire, juste c'est pas une couille. Non, c'est pas une couille. Bon, vas-y, alors vas-y, dis. Alors, elle fêtait ses 54 ans et elle m'a invité. Ouais. Et puis, elle avait fait une soirée tranquille avec ses potes. Et attends, je vais mettre une musique un peu stressante. Attends. Vas-y, raconte. Vas-y, je t'écoute. Alors, voilà. Une soirée, elle avait invité ses potes et tout. Et puis, moi, j'étais plus jeune. Ils avaient tous à peu près genre 40, 30 ans, tu vois. Ouais. C'était son âge. Ouais. C'était des potes, son entreprise. Et moi, en gros, j'aime bien faire rire. Je faisais 2-3 vannes et tout. Et puis après, ils sont tous partis. Et j'ai dormi avec elle. Parce que elle avait juste un lit de personne. Ouais. Et puis moi, j'ai dormi avec elle. Et puis moi, je m'endors. Mais elle n'a pas de mari? Non, elle est divorcée. D'accord, ok. Attends, tu veux bien enlever le haut-parleur ou l'oreillette? Parce que ça claque un peu, c'est pas grave le son là, on t'entend un peu loin. Ah, j'ai des écouteurs. Ah ouais, c'est pour ça, le son il rip. Ouais. Enlève, s'il te plaît. Attends, je retire. Vas-y. Après, tu vas nous raconter comment t'inquiète ta tante. Là, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends beaucoup mieux. Ouais. Donc maintenant, faut parler par contre. On t'attend. Bah là, tu t'entends mieux, c'est bon, du coup, je me calme. Attends, tu m'entends ou pas? Ah putain, je crois qu'il a plus. Ah, merde. Non. On va le retrouver. Ouais. On va se faire le jeu des faits divers. D'un côté, Sébastien, de l'autre, Carla. Bonsoir, les copains. Vous m'entendez, Seb, 19 ans de Neuilly-sur-Marne. Ça va ou quoi? Salut. Tranquille. Ouh la Seb, c'est PNL quoi. Ah, ça va ou quoi Seb? Ça va tranquille, c'est des pisages. Ah des buslages, c'est bon. Première fois qu'il passe à la radio le Seb. Bienvenue. Merci. Bon, enchanté, c'est toi qui as inventé l'impact sur le pare-brise que tu répareras jamais sur ta caisse. Tu te dis, je vais le réparer bientôt. Bon, attends, Seb, t'as 19 ans. Tu viens d'où, toi, exactement? Bah, mais sans membre, dans 93. Donc, vas-y, bienvenue. Saint-Denis. Jamais passé à la radio, mon Seb, alors? Jamais. Tu travailles dans quoi, toi, Seb, alors? Moi, je suis dans la restauration, en apprentissage. D'accord. Ok, vas-y, bienvenue. Dans quel resto t'as été pour un apprentissage? Ça s'appelle le Clou de Fourchette, c'est un petit resto familial. Ah, c'est cool. Le quoi? Le Clou de Fourchette? Le Clou de Fourchette? Ouais. Non, le Clou Le Clou. Ouais. Le mais est-ce que tu dis parfois bien? Parce que moi j'ai un petit Clou de Fourchette. un Clou de Girofle, c'est un champignon. Tu vois bien que. Pardon? Oh merde, j'ai dit Clou de Girofle. Non, mais excusez-le. Si, c'est un champignon. Mais excusez-le. C'est mon quota. C'est mon quota. J'ai entendu mon quota téléréalité. T'as mal entendu. Non, je suis pas gogol. C'est mon quota téléréalité. Un clou de girofle, c'est une épice, bordel de merde. Putain, je le sais depuis que je suis en maternelle, ça. Ah oui. Mais une girofle. Avec la pâte à sel. Une girofle, c'est quoi une girofle? Pour moi, c'est un champignon. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est pas vrai. C'est une fleur. Oh là là. J'ai dire un truc sérieux. Toi, tu penses à une girole. Une girole. Oh là là. Franchement, j'ai mal à mon intelligence. Ah ouais. Non, mais attends, un clou de girofle, tout le monde sait. Tu savais, je savais, tu en mets dans le thé et tout. Mais non, tu fais de la pâte à sel quand t'es petit à l'école maternelle et tu fais les yeux avec les. Ah, mais j'ai confondu avec la girole. C'est pas grave. Mais non, si c'est grave pour toi, frérot. T'as 30 balais, un jour de vivre. Il faut que tu saches les choses qui t'entourent tous les jours. Ça vient du giroflier. Tu vas à Flunch. Tu vas à Flunch et que tu sais pas commander. Tu prends un menu express. Tu crois qu'un un steak avec les girofles, c'est du champignon. Bah, tu moi, je vais être déçu, mon frérot. Bah ouais, mais heureusement qu'on en parle. Mais heureusement que tu fais de la radio pour avoir la vie. Je m'instruis. Non, mais attends, le clou de girofle, Julia, tu sais ce que c'était? Ah, bien sûr, c'est très bon pour les aftes. Ah ouais, alors l'autre, c'est contraire. Il connaît tous les trucs et tout quoi. Oh Sébastien, qui est là, enchanté en tout cas. Et ça va, ça te plaît, t'es content et tout là de bosser dans la restauration, sympa. Ouais, c'est dur, mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est dur, mais c'est un métier qui est vraiment sympa, t'es en relationnel quoi. Ouais. Ouais, mais les horaires, c'est un truc de ouf. Toi, t'es en cuisine ou t'es en salle là? Alors, j'ai fait 3 ans de salle et là, je suis en train de faire une formation d'un an de cuisine. Ouais. Attends, pourquoi toi, tu fais quoi comme horaire là, tu disais? Alors, moi, je commence à 9h le matin, je finis à 15h30. Après, je reprends à 18h jusqu'à minuit. Ouais, ouais. Ouais, la coupure, c'est ça. Ouais, la coupure, ouais. C'est un peu casse-couille. Non, la coupure faire. En plein milieu, bah ouais, c'est ça. Tu as le temps d'aller dormir chez toi ou pas? Non, même pas. Donc, c'est la guerre. Donc, quand il fait beau, ça va, tu vas te poser dans un parc. Mais quand il fait froid, pff, c'est chiant. Tu fais 9h minuit tous les jours. C'est dur, hein. Et tu fais quoi alors? Quand il fait pas beau? Bon, quand il fait pas beau, ouais. Tu vas boire un verre avec des potes, tu vas te poser pour un café. Tu t'attends, quoi. Ouais, tu traînes un peu, quoi. Tu traînes, tu te fatigues, tu marches, t'as mal partout. Ah ouais. En plus, tu viens d'enchaîner 9h. C'est dur. La restauration, vous êtes costaud, les mecs. Bah, il faut aimer. Hein. Ce qui est bien, c'est de faire des services, mais que du midi. Et t'es payé combien, là, pour faire 9h minuit? Bah, je suis en apprentissage, donc je suis à 75% du SMIC. Ça veut dire, ça te fait quoi, 750 boules? Non, plus. Ah. 900. En net? Ouais, dans ma poche. D'accord. Parce qu'on n'est pas imposable. Ah ok, ah ouais. C'est normal. Non, c'est vrai, je crois que j'ai enlevé la part impôt. Et putain, ah ouais, d'accord, ok. Ça te fait 900 boules et tu fais 9h minuit. Ouais, bon courage à tous les apprentis. Ouais, là. Bonne chance. Ouais. Putain, 9h du mat minuit, c'est costaud quand même. Des chefs qui sont à moitié fous là. Ah ouais, c'est vrai. Ah, les gars, ils sont. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Ah ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie, les mecs qui te parlent. Mais honnêtement, ce serait pas un chef, ce serait pas un mec que je respecte. Je l'aurais frappé depuis longtemps. Non, mais en fait, les chefs, je crois que c'est comme ça. Hein. Ouais, les Etchebet, les grands chefs, je crois qu'ils sont tous. Ouais. Je crois que c'est un truc en cuisine, c'est comme ça. Ils sont pas là pour rigoler. Non, mais je crois que t'as pas le temps, en fait, de faire des politesses. C'est à haut niveau, t'es bien là. Donc, il paraît que c'est comme ça. Non, je sais pas, je crois que dans tous les restaurants, ce sera comme ça. Mais en même temps, il faut apprendre, Seb, il faut que t'apprennes. Tu regardes pour après ça. La rigueur. C'est ça le but, quoi. Parce qu'en fait, à l'ancienne, avant, ils apprenaient sur le tas. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à 16 ans, ils étaient déjà chefs de partie. À 23 balais, les mecs étaient déjà chefs. Dans des brigades, il y avait 50 mecs qui étaient plus vieux qu'eux. Quand le chef, il disait un truc, c'est oui, chef. Donc, les mecs, toi, ils sont là de 9h jusqu'à minuit. De 9h à minuit, le moindre truc qu'il dit, ce sera un oui, chef. C'est-à-dire, il dit, ta gueule, mec, il va dire oui, chef. Ouais, donc, mais t'es obligé. Ils deviennent fous. Et pour eux, à la fin, c'est Dieu. Et donc, tu peux rien leur dire. Honnêtement, tu peux rien leur dire. Ouais. Tu réponds un tout petit peu. Ah, tu te fais virer. C'est comme l'armée. Non, mais je suis d'accord. Il a raison. Je sais, c'est comme l'armée. Ouais, si fois. Jamais tu parles. Pour une fois qu'il dit un truc. Pour une fois qu'il dit un truc. Il faut le noter. Il a complètement raison. C'est que si jamais tu réponds à un chef, tu te fais sortir de la cuisine instantanément. Non, mais ça, c'est vrai. On est d'accord, Seb. Ah, tu prends la poêle dans la gueule. Il y a des chefs, c'est à la seconde près. Ils te dégagent direct. Parce qu'ils n'ont pas le temps de parler. Ils te prennent un autre apprenti. Non, mais en même temps, c'est le jeu. Et après, quand tu seras chef toi aussi, Seb, Tu seras intransigeant et tu seras dur, quoi. Là. Tu mettrais la misère aux autres. Après, non, mais c'est ça. Mais toi, c'est un restaurant haut de gamme, quand même, du coup. Bah, c'est un truc familial, semi-gastro. Semi-gastro, ils ont l'impression. Donc, on garde le familial, donc on garde un bon relationnel, des plats typiques, donc un peu à l'ancienne. Un filet de bœuf, quoi. Ah, c'est bien. Donc, voilà, tout ce qui est blanquette, tout ce qui est mijoté, mais avec un dressage. Le coup de fourchette, la fourchette Paris, le coup de fourchette et tout. Ah ouais, d'accord, coup de fourchette.fr et tout. Ouais, non, ah oui, ouais. Non, attends, c'est un bon truc. C'est raffiné. C'est un beau restaurant. C'est pour ça qu'ils sont durs. Oui, oui, parce que j'allais dire, attends, il est noté 4. Ah ouais. C'est combien le menu chez toi? Ah, c'est pas cher. On a une formule du midi, entrée plat ou plat dessert à 22. Ah ouais, ça va. Le soir, il y a pas. Environ les entrées, ça tourne entre. C'est plus cher le soir. Combien? Parce que le soir, en fait, il n'y a pas la formule. Donc le soir, c'est à la carte. Je pense que les entrées, elles tournent en maximum, t'en as pour 10-12 euros. Ah ouais, et le plat, ça monte pas. En ce moment, comme la chasse à la ouverte, c'est un peu plus cher parce que t'as tout ce qui est gibier, tout ça, des produits qui coûtent cher. Donc tu peux monter jusqu'à 30 maximum le plat. J'ai déjà, il salive là. Ah ouais, il a mal de salive. Ah, j'aime bien manger moi. C'est ça la vie d'un apprenti en cuisine, mon gars. Il y en a qui dit, il faut pas exagérer les métiers en restauration. Franchement, c'est dur, mais c'est trop bien. Il faut qu'ils comprennent que c'est comme ça dans les cuisines de haut de gamme et tout ça. Ouais. Non, mais après, c'est sûr. Bah, hein. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux être chef? Tu vas en resto et tout, vraiment? Non, bah, c'est pour ça. Moi, j'ai fait une formation en salle en cuisine, parce que moi, j'aimerais bien être gérant. Gérant de cuisine et tout. C'est sympa la cuisine, de connaître les trucs et tout. C'est tellement pas mon domaine. Moi, je suis tellement une merde. Et j'aimerais tellement, putain. Et Norbert, moi, je connais un peu Norbert d'M6 parce que j'ai travaillé M6 et tout vite fait. Mais c'est vrai que c'est quand même la classe. Tu fais un truc à ta femme et tout, t'as ta famille qui vient, tu sais faire à Noël. C'est trop bien de savoir cuisiner. Ça, en vrai, c'est la grosse classe, quoi. Et ça, j'ai pas assez travaillé avant et j'aurais dû plus le faire. Mais tu fais ça où? La cuisine. Genre, attends, c'était quoi? Putain. De quoi? Ouais, il dit t'apprends ça où? En famille. En famille, mais en fait, moi, en vrai, je me suis trop reposé quand j'étais avec mes parents. J'attendais et j'aidais un petit peu, vite fait, bien fait, mais j'étais pas là en train de taffer. On a la flemme aussi de le faire. Maintenant, même sur internet, t'as des trucs en 3 minutes, ils t'apprennent à faire. Ah ouais, je sais. C'est pas bon. Mais on va revenir à la mode et tout. Ça fait bien en fait. Attends, mais en fait, il y a 20 milliards d'herbes et tout. Genre, je sais pas comment vous faites les mecs en cuisine pour savoir doser les trucs et tout. Franchement, c'est un savoir. C'est un métier. C'est un vrai savoir. Doser. Non, mais même pour la cuisine et tout. Genre, moi, chez mon beau-frère, il est cuisinier. Je sais que quand je fais Noël avec lui ou quoi, je suis en famille. Il y a toujours un mec qui sait mieux cuisiner que les autres. Et tu sais pas comment il fait. Il te fait un steak qui est trop bon. Et toi, quand tu le fais, c'est tout grillé. Mais oui. D'accord. Et lui, il te le fait. Mon père, il est boucher. En plus, il était boucher avant, c'est la retraite et tout. Et après, il a géré les magasins. Il était boucher au départ. Et du coup, il s'est cuisiné la viande. Mais laisse tomber. Ah, mais il s'y connaît. Ouais, il a fait mariner déjà. Ça veut dire quoi, faire mariner la viande? Vous connaissez le mot faire mariner la viande? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais? Ah oui, c'est mettre la viande dans la sauce. Et elle marine dans une sauce, par exemple. Voilà, mais en fait, tu laisses longtemps. Genre. Mais moi, je sors mon steak, je le mets dans du beurre. Ah oui, mais pareil. Ah, tu mets du beurre sur le steak? C'est des vrais. Sur la poêle, évidemment. À l'huile de tournesol. Oui, pour pas que ça accroche. Jamais fait cuire un steak. Ah, si, mais j'avais loupé, je crois. Il n'a pas de poils. À mon ancien appartement, j'avais des poils. Ouais. Des plaques. Ouais. Il a pas de plaques. J'ai toujours pas de plaques là. J'ai toujours pas de plaques, toujours pas de plaques. Toujours pas de plaques, ça veut rien dire. J'ai pas de plaques. Non, mec, il enlève les mots et tout. Non mais c'est quand même important d'avoir. Je m'entendais pas, putain, j'étais en décalé dans mon casque. C'est pour ça que t'as pas de plaque du tout. Ni de la vaisselle, voilà. Ouais, je l'ai enchaîné sur. La vaisselle, c'est pas grave. Ah, t'es tout seul. Il y en a plein qui ont pas de la vaisselle. Ah ouais. Une machine à laver. Mais par contre, ne pas avoir du tout de plaque et tout. C'est vrai que t'as toujours pas de machine à laver. Non, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et t'as pas l'intention d'évoluer? Bah, tu te dis pas dans les. Est-ce que le mec il a 31 balais? Ouais. Non, 30 balais. 30. Et tu te dis pas, tiens, je vais bientôt progresser l'année prochaine, c'est mon évolution, c'est ça? Bah, mon évolution, ouais, non, je pense pas trop. J'ai l'embout pour la machine à laver, mais j'ai la flemme en fait. Ah, mais c'est chaud. Ah, ouais, c'est dingue. Ah, je sais pas si c'est chaud. Il évolue pas du tout, déjà, c'est dingue. Depuis que je le connais, il a pas un nouveau truc. Écoute, si je suis heureux comme ça, moi je suis bien dans mon. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as pas des objectifs? Genre, JM, t'as des objectifs ou pas, toi, de vie? Bah, oui, un peu quand même. Non, mais c'est quoi alors? C'est pas trop de vie. Des objectifs. Les mecs, c'est des putains de punk. Mais si, c'est des putains de punk. Non, c'est pas dans 3 jours. Si on sent bien. Si, avoir une femme et tout, un jour. Merci. Salut Guillaume, moi je suis cuisinier, je commence à 20h et je finis à 7h du matin. Putain, c'est dur aussi. 6 jours par semaine. Une semaine de vacances par an. Bon courage, les gars. Non, mais bien sûr. Bon courage à tous les métiers de bouche, à ceux qui me bossent là-dedans et tout. C'est les vrais durs. Ouais. Un jour, j'ai trouvé dans un tiroir de mon petit frère un god. C'était choqué, signé la sœur de Julien Stagiaire. Oh non. C'est pas drôle, c'est n'importe quoi, c'est nul. Faut pas rire à ça. Non. C'est une honte d'avoir un débile pareil qui ne connaît même pas les coups de girofle. Ah ouais. Je suis pas débile. Je suis désolé. Les coups de girofle, il est à part. Attends, excuse-moi de. Non, c'est qu'il est. Chose. Il est dans son monde. Voilà, ouais. Son monde, ça existe. Voilà, faut le savoir. Sébastien, donc d'un côté, qui est là, 19 ans, Neuilly-sur-Marne et tout, qui bosse en cuisine. Et puis il y a Carla qui est là. Tu m'entends, Carla aussi là. Ouais. Qui a passé un petit coup de fil. Ça va, ma Carla. 13 ans, t'appelles de Tours, c'est ça? Le 37. Ouais. En direct du 37. Bah vas-y, enchanté, Carla. T'es déjà passé à l'antenne ou jamais, toi non plus? Non, des puces linge. Oh, des puces linge, en ce Et bon, chanté, non? T'as inventé quoi, toi, avant de passer? T'as inventé les centimes dont tu sais pas quoi faire, là. Putain, c'est chiant, j'en ai marre. Les centimes, c'est vraiment des pièces qui servent à rien, quoi. Grave. Alors qu'en plus, moi, j'ai un toc, il faut que je ramasse toutes les pièces que je trouve par terre. Ah ouais? Mais va à la banque, hein. Ouais, je me dis que il m'arrivera un malheur si je ramasse pas la pièce, parce que c'est-à-dire que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Ah ouais, non, mais c'est vrai, j'ai un vrai truc. Et je suis en moto, je m'arrête en moto, je descends, je ramasse. Genre pour un centime? Pour un centime, ouais. T'es prêt à... Ah, je vous jure, c'est un toc en fait. Je sais pas comment... C'est vrai que c'est un vrai toc que j'ai, ça. Ouais, bah ouais. On a chacun nos travers. Voilà. C'est vrai qu'on est chacun. Le pire des crimes, c'est que ce que fait subir Julien Stagiaire toutes les nuits à sa rondelle. Merci. Elle va bien, ma rondelle. Ici, moi, je fais 20h, 5h. Bon courage, les mecs. Ouais. Ah ouais. Alors, Carla, t'es en quelle classe, toi, Carla? Troisième. En troisième, t'as le. Attends, t'as sauté une classe? Ouais. C'est vrai? C'est une tête. Ouais, j'ai cédé le CP. Non, c'est vrai, putain. Non. Ouais, parce que tu savais lire et écrire. Franchement, c'est énorme. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, je savais lire. Ouais, tu pars un an en avance. Ouais. Arrêtez, je vais stagiaire sérieux, sinon il ne voudra plus de moi, sinon c'est au gonne Michel. C'est nul. J'ai stagiaire, il ressemble vachement à Claude Giroff, regardez bien. Le crâne de gagner, la tête fuselée, aérodynamique. Ah oui, regardez. Du coup, il a la tête fuselée. Énorme. C'est toujours. Ça me crispe la tête fuselée. Arrêtez, ça lâche. Putain. C'est le mec qui écrit ça, si. Je le chope. L'expression, elle m'agace. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Diable, fuselé, c'est pas beau. Il y a le mot fuselé. C'est nul. J'ai un stagiaire prend très mal quand vous l'appelez la tête fuselée. Ah non, mais je crois qu'on va arrêter parce que je sors des SMS. Ah, bah alors là, il est mort. Ah, t'es mort là. Changeons de sujet, vite sur Twitter. Non, non, non. Tête fuselée de rien du tout. RIP, énergie, la tête fuselée. Ça, c'est de la merde. C'est un qui prend vraiment mal. Je peux dire sa tête là, j'ai vu sa tête. Il rigole plus. Ça sert à rien comme mot fuselé. On va où? C'est vrai que t'as un peu un faciès aérodynamique. Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'ai une tête normale? Mais c'est bien, tu prends bien le vent et tout. Mais grave, c'est grave. Bah, je prends bien le vent. Moi, j'ai fait mariner les chartes. C'est quoi la mi-caisse? Gros bisous à tous ceux qui m'ont accompagné pour les 24 heures du Mans. Camion et vu les routiers, beau métier. Je viens de Nantes. Salut Julien. Salut. Bonsoir à toi. Moi, j'ai trouvé la solution pour pas faire trop d'horaires en cuisine. Appelez-moi. Bon, on va t'appeler alors. Merci beaucoup. La Scrambler, c'est pas une moto. Alors, les mecs, ils prennent la marque de ma moto pour me dire c'est pas une moto. Tu crois que tu vas m'énerver, frérot? Ouais, je m'en fous, hein. Eh ben, t'as raison, mais moi je fais du scooter si tu veux, je m'en bats les couilles. Alors, d'un côté, Seb. Seb qui est là, et qui nous appelle, qui est cuistot, et qui travaille à Neuilly-sur-Marne, qui habite à Neuilly-sur-Marne. Le 93 en force. Et d'un côté, Carla, 37 ans, le 37 en force aussi, les Tourangeaux. Ouais, Indre-et-Loire. Ils sont là. Carla, 13 ans, vous allez vous défier, vous allez me dire vrai ou faux à chaque fois qu'on raconte une histoire de meurtre et une histoire horrible. Et celui qui aura le plus de bonnes réponses gagnera. Du coup, ce soir, on a des cadeaux, on va regarder ce qu'on a en antenne. D'accord, là, tous les deux, c'est bon? Ça marche. Ouais. Attention, vous pouvez jouer chez vous aussi, si vous êtes en voiture, si vous êtes en famille, si vous êtes entre poteaux. Attention, Flo, des cadeaux. C'est 10 histoires que tu nous racontes, ouais, uniquement sur le thème, je précise, des couples, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, allez, vas-y, on y va, Flo, des cadeaux. Première histoire. Alors la première, c'est à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est un homme de 56 ans qui a été condamné à 6 ans de prison parce qu'il arrachait les dents de ses compagnes pendant qu'il faisait l'amour. On a retrouvé 600 recherches sur son ordi d'extraction dentaire. J'ai déjà envie de se moucher sur les dents. Oui, parce que j'ai rigolé. Il se mouche dans ses doigts. Ouais. Enfin, j'ai rigolé parce que le mec il prend les dents des meufs. Et en plus, il y a du papier. Ah bah j'en veux bien parce que j'en ai partout là. C'est pour ça que t'as des virus. Il en a pas. Il a des virus sur les doigts. Il se mouche dans ses virus. Il se mouche dans ses virus. Excusez-moi. J'ai une stagiaire avec qui je dis ça, t'es de fuselé. Non. L'homme descend du singe, j'ai un stagiaire descend de l'arbre. Ah, c'est drôle ça. Mais non, pourquoi tu fais un singe? L'homme descend de l'arbre, j'ai un stagiaire descend de l'arbre, c'est bien vu. Ah, ok. Elle descend des singes. Je fais mariner, j'ai pas compris. Alors vas-y, raconte ton histoire, Flo des cadeaux, pardon. Donc il a arraché les dents de ses compagnes pendant leur sommeil ou pendant l'acte. Et en fait, pendant son procès, il a toujours souri quand on le condamnait et il a avoué qu'il adorait les grosses femmes édentées. C'était son fantasme. Sébastien, tu commences. Est-ce que tu dis que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est un mytho. Ça, tu dis que c'est faux. Carla? Ah ouais. Moi, je dis que c'est vrai. Carla dit que c'est vrai, Sébastien dit que c'est faux. J'ai un stagiaire vrai ou faux? Vrai, c'était un fou le mec. C'est un sûr. Fouf. Là qui kiffe ça, ouais. En dormant, il a arraché dents. Ouais, je pense que pendant. Et il les a tués ou pas, non? Non, il leur arrachait juste les dents avec une pince pendant l'acte ou pendant leur sommeil. Bah, c'était un malade le mec. J'aime du sandal. Ah, je veux dire faux, moi. À quel moment? Il a fait de la prison, c'était quand? Il a été condamné à 6 ans de prison, c'était en 2015. Pas beaucoup en plus de 6 ans. Jure. Moi, je dirais vrai. Ça me paraît vrai. Okay, c'est pourquoi ça te dirait vrai? Parce que je sais pas, ça peut être un toc quoi. Merci Jules. Ouais. Alors écoute, Flo des cadeaux. Ouais. Je pense que c'est vrai, mais je vais dire faux. Ah. Je ne vois pas l'intérêt. Mais bon après, c'est un mec qui manque une case. Et tu donnes beaucoup de détails comme 6 ans, ça a l'air un petit peu correct, ça rentre dans la norme. Je dirais faux quand même. Flo des cadeaux. Sébastien dit faux et Carla dit vrai au téléphone. La réponse est quoi? Et ben c'est vrai. Je pense qu'il s'est dans ma tête. Parfois, un point pour Carla. La terre, parfois, je voudrais la voir brûler. J'ai dit comme toi, Julien. T'as vu, vraiment, je t'ai suivi, ouais. Sébastien, pardon. Fallait dire, j'essaie, t'as une vraie. Ouais, ouais, vrai. J'ai, nous en j'ai du faux, moi. Ah putain. Allez, deuxième histoire. Quand même. Non, c'est chelou, mais je vois pas trop l'intérêt. Excuse-moi, mais moi, je couche avec quelqu'un. Il arrive avec une pince. Ou là, avec une pince pour enlever une dent. Je lui casse-toi, quoi. Bah oui. Il avait un fantasme. Un fantasme, c'était les grosses femmes édentées. Voilà, il a pas arrêté de répéter peut-être ça. Peut-être pour faire sucer après, c'est mieux. Mais merci, je sais dire. Je suis gêné, les gars. Vraiment, je sais. Comment tu reparles de ça, moi. C'est vrai, il fallait. Je verrai. Je sais pas. Non, mais c'est horrible. Pourquoi une grosse femme édentée si... Bah, c'est son fantasme. Non, mais une femme sans dents, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, c'est quand même moins beau. Une femme. Bah, lui, ça l'excitait. C'est important, des jolies dents. Ouais, voilà. Mon rêve, enculer ma meuf, mais hésite comment la faire choisir. Salut à toi. Salut. Je me suis fait lécher les couilles par un homme ce midi. Salut Gino. Salut Gino. J'ai un stagiaire pas jusqu'à 200 km en vélo avec sa tête. Ah non, c'est bon, avec sa tête fusée. Oh là là, c'est bon. C'est nul. C'est trop bon, un scrambler, laisse-les parler les rages. Salut les gars. Non, mais moi j'ai pas un scrambler, j'ai un scrambler italien indépendant. Allez voir ceux qui aiment bien les motos, tout ce qu'on me demande à chaque fois le modèle et tout, mais voilà, italien indépendant, scrambler. Voilà. Alors vas-y, donc raconte, donc flot des cadeaux, deuxième histoire. On se la fait juste après la pub, vous savez quoi? On continue dans deux minutes, on se calera. Il y en a qui m'a demandé Chainsmoker, on se le cale là, il est prévu dans deux minutes. Chainsmoker, c'est un autre morceau qui vous dit, vous me le calez, et puis on se le calera après là. C'est celui-là. I was doing just fine before I met you. On se le cale en entier juste après ça. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Julien de Charvieux-Chavagneux dans l'Isère. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. 1 536 € x 2, ton salaire, ça va faire maintenant 3 072 €, je le double. Nickel, merci beaucoup l'équipe, c'est gentil, merci beaucoup. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Vous rêvez d'être DJ pro? Rejoignez l'un des 5 campus DJ Network, première école de DJ producteurs en France, et décrochez votre diplôme reconnu par l'État. Lancez-vous avec DJ Network, partenaire officiel des Energy DJ Awards. Plus d'infos sur dj-network.com. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Warcraft, le commencement, en Blu-ray avec Energy. Que venez-vous faire? Sauver notre peuple. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Energy et gagnez des consoles PS4. Pour les orques, mon ami, c'est la guerre. Warcraft, le commencement, le 11 octobre, en Blu-ray avec Energy. It's music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. 4 équipes de 3 amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 €. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15 sur Énergie 12. Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Flou, F-L-O-U, au 7-20-12. Tu connaîtras enfin les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouez encore. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Et pourquoi pas trouver l'amour? Accédez à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. En envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Qu'est-ce que 2 heures peuvent changer dans votre journée? Absolument tout. De fin de 2h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Allez, de retour. Bonne nuit. Mira. Je m'appelle Philippe Lebon. Nous sommes en 648 et je vais au bal d'Henri IV. Je suis invité pour la première fois avec ma femme, Mélania. Ah oui. Mélania. Ah oui. Nous allons toutes les deux au bal avec notre fils, Petrushki. Petrushki. Oui, papa. On va au bal. Mais il est pas habillé, qu'est-ce qu'il fait tout nu? Notre fils est exhibitionniste, tu sais bien, chérie. Depuis qu'il y a eu l'histoire de la peste et du choléra, il n'ose plus s'habiller. Oui, je sais bien, mais quand même, on va rendre visite à Henri IV. Nous sommes invités chez Henri IV car nous sommes des nobles. Nous avons eu la chance d'avoir la plus grande coutellerie de tout le pays de Gaule. Je me suis pomponnée pour l'occasion. Alors nous allons tous les trois rejoindre Henri IV et je vous rappelle qu'il y a des bonnes choses à manger que nous emmenons avec nous. Oui, il y aura de la volaille et du steak de bœuf. Ah oui, la faim, notre enfant, je sais. Ah, qu'il est beau, mon fils. Oui. Mon fils n'a pas grandi depuis bien longtemps, mais il est beau. Oui. Il a la gueule de son père et la barbe de sa mère. Oh, oui, je t'aime, mon fiston, je t'aime. Moi aussi, maman. Fais-moi un bisou qui pique. Oui, je t'aime. Nous allons ce soir voir Henri IV, mais attendez, il faut d'abord que nous passions le portillon. J'ai oublié mon invitation à la bourgade. Oh oui, mais c'est pas grave. Nous sommes à cheval, ça fait 1h30 que nous sommes en chariot. Oh oui, attention, on arrive. Ah, ça fait mal au face, papa. Bonsoir, jeune plouc. Bonsoir. Bonsoir, jeune Blouk. Bonsoir. Alors, excuse-moi, j'ai rendez-vous avec Henri IV, justement le roi de France. Mais je n'ai pas, malheureusement, d'invitation. Je sais que ma femme... Bonsoir, monsieur, nous sommes confus. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, petit. Oui, il a dit bonjour. Et nous aimerions rentrer dans cette maison pour rejoindre le roi et afin de lui amener nos présents, nos cadeaux. Nous avons amené notamment... Ma chérie a amené des olives noires. Des olives noires et du Toblerone, car Henri IV adore le Toblerone. Ah, c'est de la belle olive, ça, déjà. Voilà, est-ce que vous pouvez nous laisser passer même sans notre carton? S'il vous plaît, monsieur. Ah bah là, sans invitation, ça va être compliqué, je vous cache pas. Ce que je peux vous faire, mais attends, c'est... Mais là, non, mais excuse-moi. On dirait un vieux bourré dans un... La tête, il a pris. Ah putain, c'est pas vrai. Alors attends, il y a Sébastien et Carla qui sont là. Alors Sébastien et Carla, les chefs, vous m'entendez toujours. Ouais. Seb d'un côté, Carla de l'autre. On va essayer de gagner des points. Maintenant, Carla, on joue au jeu des faits divers comme tous les lundis. Flo des cadeaux nous sort des histoires de meurtres en rapport avec des couples. Il faut trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Sébastien a 0 point. En même temps, il y a eu qu'une question. Il a répondu faux et en fait, c'était vrai. Carla avait répondu vrai, donc elle a 1 point. On une histoire de meurtre, est-ce vrai, est-ce faux? Deuxième histoire, Flo des cadeaux, quand tu veux. Alors ça s'est passé à Neuchâtel en Suisse. C'est un homme qui a couché avec sa femme. Et en fait, pendant qu'il faisait l'amour, il lui a fait une gorge profonde. Et il a trop forcé, donc en fait, sa copine s'est évanouie. Donc il a appelé les secours, elle est arrivée à l'hôpital. Et là-bas, en fait, ils ont découvert qu'elle avait une perforation de l'oropharynx. Et en fait, elle est décédée à l'hôpital. Il a été condamné pour homicide involontaire. C'était quand? C'était en juillet 2013. En juillet 2013, il a pris combien de prison? La mort. J'ai pas la durée. T'as pas le mytho entier, quoi. Ouais. Sébastien a répondu en premier, donc c'est Carla. Carla, est-ce que tu dis que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je dis c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai, toi? Elle est dans le vrai, Carla. Tu dirais que c'est vrai ou faux, toi, Seb? Une gorge profonde. Faux. Une gorge profonde, c'est une pipe par une fellation d'une fille qui va trop profond. Pour expliquer. Seb, tu dirais que c'est quoi? C'est faux. Toi, tu restes dans le faux, je suis un stagiaire. Ah, c'est vrai. Tué par une gorge profonde. Je pense que c'est possible. J'aime du sandar. On en aurait entendu parler, je veux dire faux. Julia. Moi, je dis faux. Un pénis, c'est pas un couteau. Moi, je dirais faux. Mais la force, je dirais faux. Je me trompe peut-être. Mais moi, je regarde beaucoup de films SM. J'aime bien quand c'est un peu violent, c'est brutal. Et franchement, il y en a, ils vomissent. Ouais, bah oui. Il y a des yeux qui pleurent et tout. Et vraiment, ils se branlent avec la tête de la fille et tout. Excusez-moi, mais je décris. Et franchement, ils meurent pas. Alors peut-être qu'il y a eu une fois un malaise, c'est possible après. Un coup pas de chance. Il y a des gens qui font des arrêts cardiaques en son amour, donc ils peuvent mourir de rien. Je dirais que c'est faux. Et Flo, des cadeaux, la réponse est. Bah, c'est faux. Ouais. Ah, il a essayé de me niquer. En plus, il m'a fait des têtes, genre. Ah oui. Ça marche plus. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Mais je me laisse plus influencer depuis bien longtemps. Et allez, c'était faux. Donc, un point pour Sébastien. Bravo, Seb. Bien joué. Seb contre Carla. Ensuite, on vous laisse avec Mickaël qui sera là dans deux minutes. Il est en duplex. Je crois qu'ils sont à Los Angeles. Ils sont aux États-Unis. Ouais. Ils sont à distance. Donc, on va balancer une musique, je crois, à deux ou trois pour qu'ils prennent l'antenne après de là-bas. Voilà. Mais d'abord, attention, Carla et Sébastien, c'est parti. Encore une petite de Flo des cadeaux. Est-ce vrai ou est-ce faux? Sur la musique de Sceaux, on t'écoute. C'est Alexandre, c'est un russe de 23 ans qui était membre d'un groupe de rock et qui s'est fait virer parce que les autres membres ont découvert qu'il aimait se masturber maquillé et déguisé en femme. Et en fait, quelques mois plus tard, sa copine Victoria l'a surpris avec ses habits en train de se masturber. Elle a décidé de le quitter. Il l'a très mal pris, du coup il l'a tué, il l'a décapité, il a violé sa tête. Et il a été déclaré irresponsable de ses actes, il a été interné. Oh putain. Attends, tu peux répéter. Il y en a un qui dit salut l'équipe, je vous kiffe, nouveau calage, tracas, s'il te plaît. Ouais, je l'ai passé, salut femme Gigi au transport frigo 7, Arnaud de Rennes. Il y en a un qui dit moi je me dors ma main sur le cul de ma femme pour m'endormir. J'ai un stagiaire, il a une gueule en forme de torpille de sous-marin. Il prend de la vitesse avec sa tronche aérodynamique, fuse les mica. Salut, il est marrant quoi. Ce mec là. Non, il est pas marrant, il est relou. C'est marrant parce qu'il est chiant, il va fort avec GTA. Mais c'est juste en plus à chaque fois. Énorme. Dédicace à Johnny Calvici, t'es de fou. C'est de l'impro aux histoires. Alors non, Flo des cadeaux a une dizaine d'histoires écrites. Ouais, il y en a certaines qu'il a écrites, d'autres qu'il a vraiment pris pour de vrai. Il faut deviner si c'est les vraies histoires ou s'il les a inventées. C'est le jeu. Répète-la, s'il te plaît, Flo des cadeaux. Pour terminer celle-là. Donc c'est un russe de 23 ans qui était membre d'un groupe de rock et qui s'est fait virer parce qu'en gros, les membres ont appris qu'il se masturbait déguisé en fille. Et sa copine, un jour, l'a surpris en train de se masturber avec ses fringues. Elle l'a quitté. Il l'a mal pris, du coup, il l'a tué, il l'a décapité, il a violé sa tête et il a été condamné. Il a été jugé irresponsable de ses actes et il a été interné. C'était où ça ? En Russie. J'ai pas la ville exacte. T'as pas la ville exacte non plus. JM du standard. Faux. Alors attends, ouais. Pardon, excuse-moi. Pardon. Sébastien d'abord. Il s'appelait comment le gars ? Alexandre. Ouais, c'est vrai. Alors attends. Surtout Alexandre du monde. Carla. Vrai. Vrai. Vous dites tous les deux vrai, c'est facile, hein. Je suis un stagiaire. Ouais, c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai. Ouais. Julia, tu dirais ? Moi, faux. Faux. Moi, je dirais que c'est faux. La réponse, Claude et Cadeau, est. C'est vrai. Ouais. C'est horrible, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, décapité via la tête, tu fais ouais. Non, mais j'ai gagné parce que j'ai dit vrai, la réponse. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est bonne réponse pour chacun. Ouais. Sébastien et Carla. Égalité parfaite, alors du coup, il nous en faut une dernière. Okay. Attention, JM, Claude et Cadeau, on y va, dernière. Alors là, c'est en France, à Port-la-Nouvelle. C'est un animateur de club qui s'est introduit dans la chambre d'une vacancière. Et en fait, la femme s'en est pas rendue compte. Elle pensait que c'était son mec, donc ils ont fait l'amour. Et quand elle s'en est rendue compte, elle a porté plainte et l'animateur a été mis en examen pour viol par surprise. Pour viol par surprise. Ouais. C'était quand ça ? C'était en août cette année. En août. Mais tu te rends compte quand même. Cette année. Carla, vrai ou faux ? Faux. Toi, tu dirais faux coucher. Ah, c'est possible. Hein. Seb. Ouais, non, faux, on en a entendu parler. Faux. C'était là. J'ai un stagiaire, bah, rapidement, j'ai le standard. Julia. Moi, je dis vrai. Vrai, moi, je dirais vrai aussi, la réponse est faux. Ben, c'est vrai. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la tête, parfois. Excuse-moi, mais moi, dans la nuit, quand j'ai une meuf, je peux la reconnaître. Ouais. Je reconnais ses Mais là, elle l'a fait. Les grandes beautés. L'odeur. La forme de la. Ouais, l'odeur, ouais. Du sexe. Ouais. De la chouchou. Le pelage. Ouais, non, mais. J'ai un stagiaire, elle connaît avec les couilles. Non, non, c'est mon mari. C'est mon mari, ma droite. La droite, elle est plus que gauche, je te dis. Ah, ouais, bah, parce que tu penches à droite, alors je la connais, ta couille. Ouais, je sais bien, quand j'ai fait de la motocross, je te rappelle que j'ai quand même travaillé 14 ans en motocross à Paris. Et que je me rappelle. J'ai ma couille droite qui dépasse plus que l'autre. Et j'allais te la remettre avec ma langue. Ah, non, mais les histoires avec le bal de Louis XVI, genre. Oui, ils sont aux USA pour la semaine. Bonsoir, merci. J'ai un stagiaire à la tête fusée, il peut pénétrer l'air. Encore une fois, il pénètre quelque chose, ce n'est pas lui qui se fait pénétrer. C'est chiant, sérieux. Alors, vas-y, on y va. Flo des cadeaux, dernière histoire, du coup. Ok. Alors là, c'est. Attends, c'était quoi ? C'était faux, du coup ? Non, non là, c'était vrai. Ah, c'était vrai. Allez, une dernière. C'est un mec qui s'appelle Georges Kepart, qui a 78 ans, qui s'est marié avec une femme qui est atteinte de problèmes mentaux. Et en fait, pendant une dispute, elle lui a avoué qu'elle l'avait trompé dans les années 60. Il n'a pas supporté, donc il l'a étranglé et il lui a rentré un fer à lisser brûlant dans le vagin. C'est une infirmière à domicile qui a découvert les blessures et les médecins ont découvert des brûlures internes. Le mari a été arrêté. D'accord. C'était où ça ? C'était. J'ai pas la ville. Quel pays ? Aux USA. Aux USA. Seb, Carla, du coup. Faux. Le fer à lisser, c'est possible. Seb ? Vas-y, vrai. Ah bah très bien. Comme ça, il y en a un des deux qui va gagner un point, ce qui est égalité. Vrai, j'ai un stagiaire. Ah, c'est vrai, le mec, il a fait un faux. Ah, Julia, faux. Moi je dirais faux aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour que le, comme par hasard le fer à lisser soit chaud qu'il y pense, les actes de folie ça se fait dans l'instantané, ça ne se prépare pas. Ah. Je parie que c'est faux et la réponse est. Eh ben c'est vrai. Je sais pas ce qui se passe dans. dans ma tête parfois. Putain, j'étais sûr de moi. Ah ouais. T'avais l'air. On arrête ce jeu d'être le prochain. Non, non, on refait la Starac Energy pour faire chanter. Je garde la voix. Je suis le chasseur. T'es la proie. Ouais, ouais. Ça va être toi. Seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien. Hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. 3 points pour Seb. Bravo, mon Seb. Félicitations. Ah, oh, le Seb. Tu veux faire une dédicace, mon Seb? Ouais, carrément, bah, tout ce qui est en restauration. Mes potes de classe, on est en cours demain. À l'école, mes derrière qui s'est rendu. Et voilà. Vas-y, hein, pas de problème, on sait. Bon courage hein, pour le resto, du coup, demain. Ouais, c'est cool. Bah, bravo, frère. Il y en a un qui dit, j'ai un stagiaire, on le met à l'avant des fusées pour rentrer. Merde, c'est pas de naissance, le fusage à la tête de Jean Stagiaire, c'est grâce à toutes les bifles. Là, mais les gars. Des agressions, à un moment donné. C'est marrant, surtout sur l'aérodynamique. Ah, ouais, c'est marrant, c'est mignon. Mais ça sort d'où? Et Carla, tu veux faire une dédicace, ma chère, avant de partir? Non, c'est bon. Non, t'es sûr? Eh, c'est parce que t'as perdu qu'il faut être désagréable, là, Carla. Ah ouais. Reste très très bonne jusqu'au bout, en plus. Faut rester sport, hein. Bon. Tu veux pas faire de dédicace, c'est sûr? Non, non, c'est bon. T'es dans quel bahut à Tours? Léonard de Vinci. Vas-y, bah, s'il y en a qui sont à Léonard et qui la reconnaissent, vas-y, dédicace, hein, en troisième, là. Je te fais un gros bisou, ma chère. Bravo encore une fois, et puis content de te soit passé pour la première fois à la radio, alors. Ouais. Ok, je vous repasse tous les deux, Julia et Flo des cadeaux, d'accord, ouais, au standard. D'accord, c'est cool, merci. Allez, bisous les potos, bon courage. Bonne soirée, ciao les gars. Ouais, ciao, bisous. Bon courage à tout le monde, hein, ceux qui bossent de nuit là. Enfin, un gros bisous les potos, s'il y en a qui bossent toute la nuit et tout. Est-ce que vous savez que le casque de Kardashian est un complot contre la France pour les JO? Ouais, je sais, ouais. Oh non, non, c'est sûr. Ouais, apparemment, c'était un truc. Si c'est vrai, c'est ouf. C'était fake, elle a raconté c'est ça. Sûr. Apparemment, bah, c'est sur pas mal de sites d'infos là. Elle aurait raconté ça parce qu'il y avait le mec qui était là pour décider si c'était les JO étaient à Paris ou pas. Et comme par hasard, il était juste à côté de l'hôtel. Et c'était pour lui faire peur. Elle aurait été payée pour dire ça. Pour que les JO soient faits ailleurs. Donc si elle avoue ça, c'est mort. Après, les JO, c'est des milliards d'euros pour les pays. Ouais. Donc il suffit qu'il y ait un pays qui donne 10 millions d'euros en cachette. Et c'est possible. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a des sites qui disent ça. Là. Mais après, bon, je suis pas sûr que ça soit vrai. Attention. Hein. Enfin, attention aux rumeurs. Il y a plein de sites. Effectivement, il y a plein de sites qui disent ça. Quoi. En tout cas, bonne nuit, bon courage à tout le monde. Bonne nuit, j'ai un stagiaire à demain. Bonne nuit, à demain, ciao. On se fera un nouveau jeu demain. Ouais. On se fera les forains à l'antenne. Ouais. À demain, Gilles Sandra. À demain, Guillaume, bonne nuit. À demain, Julia. Salut, Guillaume, salut tout le monde. À demain, plein de cadeaux. Bonne nuit, Guillaume, bonne nuit. Allez, bonne nuit, les potos. Je vous mets Sia, la Kendrick Lamar, The Greatest. Juste le temps de brancher le studio en direct de Los Angeles, puisqu'ils sont en vrai direct de LA, Mickaël et toute l'équipe. Gros bisous, tout le monde. À demain, 22h sur Énergie, 22h minuit, des deux dernières heures de la journée. N'oubliez pas, Guillaume Radio 2.0 sur Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve, hein. Guillaume Play, PLEY. On est 2 millions sur Facebook, 600 000 sur Insta et tout. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve de plus en plus nombreux chaque soir. C'est un vrai kiff de faire une radio avec vous. Gros bisous et à demain, les potos. nouveau gang débarque à Los Angeles. Pas de pitié. Pas de quartier. La peur va s'abattre sur LA, motherfucker. Michael, aka The Boss of Radio. Tough, aka The Dog de la Casse, alias Motherfucker. Polo, aka The Wonderful Lourdeur. Amina, aka The Beauty of Couscous. Seba, aka Le Bodybuilder en carton, alias La Grande Saucisse. Tu comprends, Motherfucker? Ça va chauffer à LA. Le gang Mickaël débarque sur Énergie. Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Et sur Énergie de minuit à 4h et le dimanche de 20h à minuit. Allez, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est lundi soir, on est toujours là depuis LA, motherfucker. Voilà, oh, merci Amina, ben, on l'a fait toute la soirée hier, donc forcément, fallait bien le refaire ce soir. On était là hier aussi de 20h à minuit depuis en mode Los Angeles, en mode vacances. Donc voilà, à la cool, Yatov qui est en pleine forme. Ah oui, je suis au taquet. Très bien, il est au taquet, mais il a surtout failli finir en taule hier soir. Oui, enfin, finir en taule, c'est pas de ma faute aussi. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais, parce qu'avec le décalage horaire, alors on a 9h de moins que chez vous. Donc voilà, c'est pour ça quand on dit hier soir, on était à la radio, mais bon, pour nous, le hier soir, c'était quasiment le matin à Paris. Ouais, c'était la journée savez, même. Hein. Ouais, quasi, ouais. Donc Polo va bien aussi ? Ça va très bien, ouais. Quelques aventures, mais ouais, quelques bien, aventures surtout à base de pneus crevés, hein. Donc aucune transition histoire avec Seba du standard, en parlant de pneus crevés. Mais voilà, on l'a eu. Il est quand même en grande partie responsable de toute cette histoire. Bien sûr. Donc on a la vidéo par rapport à ce pneu crevé éventuellement, oui, on peut dire ça comme ça. On va la mettre, Amina va la mettre sur le, ouais, sur Facebook dans quelques minutes. Voilà. Et il y a toutes les vidéos aussi qu'on a mise notamment la vidéo 360 degrés de la présentation de l'émission d'hier. On a fait également le jeu des Oreos, puisqu'on a trouvé des packs d'Oreos Halloween. Et comme il n'y a pas ça chez nous, on se dit bah putain, on va vous en offrir. C'est quand même oui, sympa. Donc du coup, bah voilà, si jamais ça vous intéresse, on va faire un jeu ce soir. On fait le jeu sur la chaîne YouTube. Bah ouais, c'est bien. Voilà, bah commentez la vidéo avec les Oreos justement, et puis on tirera au sort quelqu'un demain. Voilà, demain on tirera au sort quelqu'un par rapport à ceux qui ont mis des commentaires. Mettez ce que vous voulez, que Toff est moche, que Toff est gros, que Toff est con, tout ça. Vous pouvez y aller. Hein. ça me fait plaisir. Voilà, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire un truc, un commentaire en particulier en rapport avec les Oreos ou quoi que ce soit. Voilà, Oreo mode Halloween, ils sont orange. Ils sont très bons, cela dit. Hein. Non, ils sont cool. Ils n'ont pas le goût de carotte ou de quoi que ce soit. En fait, ça a le goût d'Oreo, c'est juste qu'ils ont mis du colorant. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que c'est ça. Attention, toi, fais une enquête. Je vais aller au CSI pour voilà, demander qu'ils fassent la composition. J'ai ma valise avec tous les produits afin de tester tout ça. Je vais faire ça. Bon, donc du coup, ce soir, je vous rappelle que si vous voulez passer dans l'émission, alors le standard, évidemment, pendant toute la semaine, on n'a pas pu le déplacer parce que ça prend quand même beaucoup de place et que c'était pas possible. Du coup, c'est surtout que l'espagnol avait plus de place avec la prose, quoi. Bah voilà, c'est ça, il avait la protéine à prendre pour les faux muscles, donc bon, on avait plus de place pour le standard. Mais si vous voulez passer, donc soit il y a le mail seba@energie.com, soit le Facebook, Twitter, Instagram, et bah vous venez. En plus, on a mis plein de photos pour aller les voir, hein, des photos et des vidéos. C'est sur MIKL officiel, et sur Facebook, Twitter et Instagram, on a également mis le numéro de téléphone pour WhatsApp. Voilà, donc si vous voulez nous envoyer des WhatsApp, pouvez le faire, et on vous rappellera bien sûr pour que vous puissiez passer dans l'émission. C'est le numéro perso de Seba, hein, faut le dire. Bien sûr, voilà, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous pouvez le harceler aussi, lui envoyer plein de messages, il n'y a aucun souci. Les voilà. Exactement. Bon, donc n'hésitez pas. Ah oui, alors oui, putain, il fallait qu'on vous en parle aussi. On a fait l'émission hier. Bah oui. Et voilà, et vous savez qu'on a. Il y a le FCC aux États-Unis. Ouais. C'est un peu le CSA d'ici, ah oui, quoi. Oui. Voilà, et donc nous sommes trop vulgaires. Les voisins se sont plaints. Trop de vulgarité avec Toff, avec ses appels. Oui, mais c'est en même temps, à force de dire Modor machin, là. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est tout ce que tu dis. Moi, je suis là. Parce que le problème, c'est qu'en fait, quand on fait l'émission ici, il est trop tôt. Voilà, parce qu'on commence à 15h, donc en plein après-midi, il y a des enfants qui rentrent de l'école. Et donc, du coup, forcément, voilà, c'est un peu la merde. Donc, résultat, on va devoir mettre des bips sur les appels de Toff. Très voilà, bien. Les Américains rigolent pas avec la loi. Voilà, donc, du coup, on a dû les enregistrer à l'avance pour pouvoir les biper. Voilà. Donc, du coup, maintenant, quand vous allez entendre un gros mot, ça va faire bip. À cause du chien de la classe. Voilà. Donc ça va être de ma faute encore. Ça va faire espèce de salope. Parfait. Voilà, ça va faire ça. Donc Amina est contente. Elle est enfin contente dans l'émission dont elle rêvait. Mon rêve. Avec que des bips, que de la censure. Ça va être génial. Que des bips. Que des bips. Voilà. Non, pas des. Oui, bien. Des bips, bien sûr. Non, mais on n'est pas comme ça. Ouais, on passe ça entre nous. Voyons. Donc voilà. Donc on fera les appels mal intentionnés ce soir, chérie. Je peux te faire cocu également. Si vous avez. Ah oui, on se remettra aussi Michetonneur d'hier. Si jamais vous avez raté le Michetonneur d'hier soir, on est tombé sur une case. Burn. Un grand moment. Très sympathique. Elle s'écoutait un peu trop parler. Mais qu'est-ce qui qu'elle était lourde. Bon, on vous mettra ça tout à l'heure, donc restez bien là. On va prendre Alexandra aussi dans quelques secondes, qui est avec nous. Attends, on va déjà voir si c'est avec nous dès que le standard aura marché. Voilà, salut Alexandra. Attends, est-ce que tu m'entends, Alexandra? Alexandra? Elle papote. Elle discute. Hein. Oui. Ah, ça va, Alexandra? Ouais, c'est l'apéro. Bah, nous aussi d'ailleurs. Je m'étonne que nous n'ayons rien à manger, rien à boire, Sébastien, au standard. Hein, est-ce que tu pourrais éventuellement aller nous chercher à boire? Et vite. Non, pardon, micro, on t'entend pas. Là. Évidemment. Voilà, parce qu'il part. Voilà, il part. Ah ouais, mais Alexandra, on aurait bien voulu que tu nous fasses le service, mais malheureusement, t'es un petit peu loin. Hein, du coup, ça sera chaud. Quand ouais. Du coup, on a demandé à Seba. Il est plus proche. Ouais, mais avec plaisir. Écoute, ça fait cher les cacahuètes. Ouais, ça fait cher la cacahuète. Je prends la carte de Seba et je t'envoie le billet. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça marche. Bon, Alex, bouge pas de là. On va s'écouter Chainsmokers et je te reprends juste après, d'accord? Ça marche. Bon, reste avec nous du coup. On écoutera du son aussi tout à l'heure. On aura le son de DJ Snake. On aura 21 Pilots. On aura aussi le son de Feder. On aura Kenji. Et on démarre donc comme promis maintenant avec le son de Chainsmokers qu'on écoute tout de suite sur NRJ. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. But I'm okay. It was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the seat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Ça va être la semaine la plus hot de ta vie. 3, 4, 5, 6. La semaine la plus folle de ta vie. Michael est à Los Angeles. Los Angeles. Avec toute la team de Dai. Ça va être la folie. Ça se passe sur Énergie. Énergie. Et uniquement sur Énergie. Allez, c'est reparti. Seba du standard vient enfin de nous apporter l'apéro. Ça y est, 7-Up, tranquille. Ah, merci. À son de World Famous Coffee. Yes, my coffee is dégueulasse. Dégueulasse des États-Unis, quoi. Dégueulasse. Si vous avez l'occasion de venir aux États-Unis, déjà, vous verrez que le café est quand même relativement. Bah, c'est de l'eau, en fait. Hein, c'est de l'eau noire. C'est ça, c'est de l'eau colorée. C'est de l'eau colorée, effectivement. Bon, Alexandra, qui est toujours avec nous, t'es déjà venu aux États-Unis, toi ou pas, Alex? Non, jamais. Jamais. Ah bah tu rates ouais, rien, ouais. Tu rates rien. Non, si si, bah si tu rates, tu rates beaucoup, tu rates beaucoup. C'est, voilà, c'est... Bah oui, non, mais c'est clair. Mais t'inquiète pas, hein, si tu proposes quelque chose, Toff peut t'inviter à tout moment. Hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, Alexandra, combien mesures-tu? Ah non, ah, bah, ça faisait longtemps, tiens. Combien mesures-tu, Alexandra? En mètres. Oui, bah oui. Non, je ouais. mesure 1m70. D'accord. Combien pèses-tu? En poids, en kilo, en livre. Combien pèses-tu? Quel est ton poids? Kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine?